Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oh, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis avec Adrien Méniel. Adrien, ça va très bien. Je t'ai pas demandé. Ouais, mais en fait, je gagne du temps en fait. Je t'ai pas demandé, coup, j'en ai rien à foutre, tu m'entends? Ouais, non, mais je comprends. Pour une fois que ça va, putain. Tu vas pas bien d'habitude? Oh. Si, ça va. Si, mais il fait beau, donc déjà ça va. Nous sommes avec, comme à l'accoutumée, avec deux invités. Notre première invitée est comédienne, autrice et réalisatrice. Vous l'avez peut-être vu jouer au cinéma dans Le Doudou, le film Le Visiteur du Futur. Sur internet, elle est derrière les deux saisons de Fleur Bleue, où elle raconte les plans cul foireux d'une jeune femme. Et au cinéma, elle sort mercredi On Ira, où elle raconte la volonté de mourir d'une vieille dame. En termes d'éventail de sujets abordés, on est clairement sur la queue d'un pan. Avec quand même un point commun, c'est que c'est vachement bien. C'est Enya Barou. Ouais, trop bien, merci, je suis contente d'être là. On est trop content de te recevoir, Enya, parce que tu as écrit et réalisé un film qui sort mercredi, qui s'appelle On Ira, ouais, qui est super. Bah merci, merci. Bravo, ça va, t'es un peu en marathon promo là. Je suis en Vous marathon. Êtes tous les deux en marathon promo, j'ai vu là. Hier les deux étaient dans les hôtels à répondre à plein de trucs. Exactement, on répond plein de trucs, c'est fun, ça va, t'es en forme. Ouais, ça va. Ça va, tu kiffes? Ouais, je kiffe, je suis un peu stressée, j'espère que ça va bien se passer. Ouais, on sait pas, c'est un invité surprise. C'est un invité. Mais l'invité mystère va bien. On va le deviner. Oui, c'est vrai qu'il est. Ça, c'est dur à faire, non? Il est en Witness Protection Programme, par contre. Et bah, notre second invité, il est auteur, humoriste, animateur radio également. Il présente l'émission Moins de 10K tous les vendredis. Exactement. Où des jeunes artistes viennent poser sur Move, et pas le Move, parce que j'avais écrit le Move, en fait, on dit Move. Ah, le Mais ouais, faut enlever le, putain. Ouais. Avec même des épisodes en live, enregistrés au Meet. TX204, j'ai regardé ça hier, c'est trop bien, c'est stylé, ouais, c'est génial, c'est de dingue. Pouvoir faire ça. Vous l'avez peut-être connu sur internet, que ce soit dans des sketchs sur Golden Moustache ou sur sa propre chaîne. Moi je me souviens des micro-trottoirs où il vérifiait que les Français savaient rapper. Ça c'est vraiment vérifié. Je voulais vérifier un truc. Et j'ai une sacoche avec une instru dedans. Et un petit calepin. Et bah les Lyonnais, c'est mort. Il sera sur Prime Video dans Liars Club, un jeu où ça mitonne avec Freddy Gladieux, Hakim Jemili, Mela Bedia, KDO. D'ailleurs, venez, on joue vite fait, si je vous dis, je trouve la plateforme de Prime Video super pratique. Je mens ou pas? Oui. Bah oui, évidemment. En tout cas, on l'adore, c'est Anis Rally. Yeah. Comment ça va, Anis? Ça fait longtemps. Ouais, ça va très bien. Très c'est content cool. De vous revoir, les gars. Même si je vois, je vois souvent. Adrien souvent, ouais. Vous êtes amis dans la vraie vie. Ça basket. On joue au basket. On est des ballers. Ouais. Ah, okay. Ça se voit pas comme ça physiquement. Si, si, ça se voit. Non, si. ça se voit pas. Vous êtes grand et lancé. C'est vrai. Dès qu'Anis est arrivé, il jonglait avec une balle de basket. C'est la vérité. C'est la vérité parce que je lui ai envoyé. Le prince de Bel Air à mes yeux. On est cool, mais dans les années 89. Ouais. Et donc oui, t'es en promo pour l'Alliance Lab et hier pareil, yes. T'étais en journée avec J'étais plein de gens. J'étais avec le papa d'Enya. Ouais, entre autres, ouais, moi c'est je vrai. Le vois pas du tout en ce moment, j'ai okay. pas le temps. Ah, je suis désolé, merde. J'espère qu'il va bien. Ouais, moi je le vois pas souvent. Ah, je le vois tous les jours. T'as les boules ou quoi? Un peu. Écoute, c'est pas grave, je le prête. Mais comme à l'accoutumée, on va faire le jeu du Floodcast, bien évidemment. À votre avis, quel logiciel... Enfin, à votre avis, non, je vous demande de deviner tout simplement. Quel logiciel va disparaître en mai 2025? Un logiciel qu'on a, je pense... tous utilisés autour de la table à une époque. Ah oui, MSN. Je sais, je crois. Tu l'as, alors c'est pas MSN. Moi je sais, je l'ai vu. Tu l'as, ouais. Tu peux le balancer. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est tu genre, peux. Je nique le jeu, quoi. Mais tu le niques pas. Est-ce que c'est Avast antivirus? Moi c'est le seul. Non, c'est Skype. Très bien. Ah, ah bon ouais. Bah oui, il est temps quand même. Mais, Skype disparaît. Mais moi je m'en sers encore. Ouais, on aurait pas dit. Hein. C'est exactement ce que je me suis dit aussi. C'est fou. Bah, moi j'en aurais dit carrément, quoi. Moi j'utilise plus, mais je me disais, il y a peut-être des gens qui l'utilisent. Bah, moi je l'utilise. Ouais, enfin. Enfin, pas tout le temps, non, j'avoue. T'es condescendant, comment je dis. Jamais. Vraiment. Il y a peut-être des plous qui doivent l'utiliser. Non, mais ça m'est arrivé de l'utiliser récemment, quoi. Okay. Ah bon, oui. Bah ouais, genre. Ah ouais. Je suis d'accord avec eux, je trouve qu'il y a un truc de, pour moi c'est pas un logiciel, tu sais, c'est comme des fois où il y a des gens, on te dit ah ben non, ils sont pas encore morts, et tu dis ah bon, je pensais qu'ils étaient morts depuis 10 ans. Ouais. Il y a des logiciels comme ça. Skype, je pensais pas ça, je me disais non, c'est encore un peu, il y a des vieux qui doivent l'utiliser. Ou bah, Enya. Il y a la petite musique, ça fait tin tin tin. Ah ouais. Tin tin tin. Allez, pose un rap, Anis. Toi qui adore ça. Non. Voilà, je suis pas sûr que c'est les... C'est pas mon BPM, je dirais. Et oui, un peu plus de 20 ans après son lancement, la plateforme pionnière des appels sur internet va fermer en mai 2025. Non mais c'est ça en fait, c'est le ça, truc. Il y en a eu plein d'autres, ouais. Il sort, tu fais waouh, c'est incroyable, on peut parler en vidéo. Et après n'importe, enfin, ouais. Tu vas avoir téléphone, WhatsApp, tu peux le faire, n'importe quelle appli. Snapchat, les gens ils ouais tout. Ouais. Donc c'est de la merde maintenant, quoi. C'est exactement ce que je vais te raconter. C'est en gros fondé en 2003 par des entrepreneurs scandinaves, Skype a révolutionné télécommunications en ligne. L'application donc permettait d'appeler gratuitement n'importe qui à travers le monde, mais tout s'est pas passé comme prévu puisque Skype ne décolle plus, et ça se voit grâce à la à cause de la concurrence. Comme tu le dis très bien, WhatsApp, Telegram, Discord, Zoom s'impose très vite. Et alors l'article dit carrément ils n'ont pas réussi à prendre le pli de la pandémie. C'est-à-dire bah, que c'est c'était que, le moment où normalement il fallait se relancer un peu parce que les gens utilisaient beaucoup les trucs de vidéo et en fait ils se sont fait complètement. Bah, c'est Zoom qui est vraiment sorti victorieux de la pandémie, on se demande, c'est bizarre d'ailleurs. Bah parce on n'avait jamais entendu que... parler de Zoom. Pardon, que... que c'est Zoom qui a créé le Covid. J'ai l'impression que c'est un truc de télétravail, non? Les gens se sont mis sur Zoom, Teams, ils ont commencé à télétravailler en vidéo. Ouais, mais Zoom, j'avais jamais entendu parler avant de ce truc. C'est vrai. Et d'un coup, c'est genre tout le monde utilise que ça, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais vous rappelez la dernière fois que vous avez utilisé Skype à Paris-Nien, pardon. Parce que c'était. Hier matin. Non, mais pour aller dans ton sens, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps. Moi, c'était il y a 10 ans au moins, je pense. Ah bon? Non, mais lui, c'est attention. Là, t'as le roi de la tech. Le roi de la tech. T'es hyper moderne en fait. Tu utilisais Zoom avant tout le monde. En fait, t'es un peu blessé. Informaticien, voilà ce qu'est ce mec. Non mais ouais, Skype, ouais, non, c'est il y a longtemps quoi. Bah, mais en même temps, ouais, même quand je l'utilisais, je sais même pas pourquoi je l'utilisais. Si, moi, ouais, c'était pour parler aux gens à l'étranger. J'ai l'impression que ça servait qu'à ça au début. Beaucoup ouais. à ça. Ouais, ouais. Bah, pardon d'être français en fait. Pardon de vouloir parler à mes compatriotes. Moi, je sors une poignée de main. C'est ça mon voilà. Skype. C'est ça. Un sauciflard. Bonne journée, Michel. Un sauciflard, un coup de blanc, c'est ça mon Skype en fait. Ah, puis ça va pas faire faillite tout de suite, hein, je peux te le dire. Est-ce qu'il y a des logiciels qui vous manquent comme ça, que vous utilisiez beaucoup quand vous étiez plus jeune, peut-être? Bah, MSN. Mais ouais, ça, c'est pas que ça me manque, mais c'est que c'était trop bien, quoi. Ouais. Je sais plus, j'ai lu un bouquin la dernière fois qui parlait de ça, qui disait voilà, quand il y avait une technique pour draguer un peu sur MSN, c'était que tu te connectais déconnecté. Et tu voyais le nom apparaître, ouais. T'avais une fenêtre notif. Qui s'ouvrait, et c'était pour montrer que t'étais là, tu vois. Ouais, il y avait un peu des codes de drague un peu MSN. Je savais pas, moi. Je suis tombé dans le piège à chaque fois. J'ai dit oh, Mélissa. Oh, Mélissa, encore elle. Mélissa a des problèmes de connexion. Je vais la sauver. Mais moi, j'avais un peu. C'était pas drague, mais c'est juste vouloir être cool au lycée. J'essayais de choisir des playlists que tu pouvais voir, les gens pouvaient voir ce que t'écoutais dans ta signature MSN. Et donc j'essayais de mettre des trucs un peu genre, vous savez, je suis pas que le petit rigolo, hein. J'écoutais Evanescence et Linkin Park. J'étais en 91, donc c'était plus Linkin Park. Mais t'étais un ringard aussi, donc. C'est vrai, ça aurait pu un petit Souchon. Et tu peux mettre ta musique sur Insta maintenant? Ah. Oui, dans les stories, des trucs comme ça. Non, même dans les petits trucs de... Ah, ringard, toujours, je sais. Dans ta statue. Dans les DM, là, en haut, dans les DM, tu peux voir. Alors, ce truc... Les trucs où les gens n'ont toujours pas compris qu'il n'y a que les gens avec qui tu parles qui le voient, quoi. Parce qu'il y a des gens qui mettent en promo et tout, alors qu'en fait, personne... Ouais, bah, pardon. Oui, mais toi, tu follow plein de gens. Attention. Ouais, mais non, mais essaye pas de me sauver. Non, non. Je crois que je viens de comprendre un truc là aujourd'hui. Elle écrit retrouvez-moi sur Skype. Ouais. Et personne vient. Mince. Toi, Anis, c'était quel logiciel que tu utilisais grave? C'est un peu. C'était il n'y a pas longtemps, moi j'avais parlé de Skyblog. Parce que ouais. Moi j'avoue, j'y retournais peut-être tous les 7 mois. Ouais. Ah ouais? Un petit shot de genre, j'écrivais n'importe quoi. T'en avais un ou juste pour relire une connerie ou. Ah, bien sûr. Ou même un commentaire. Il y a trop de trucs à aller voir en fait. Donc, ouais, un petit côté album photo en fait. Ouais, c'est ça. C'est un puissant fond de. Tu cliques sur un clic et tu vas sur un autre profil et tu te dis, on était cons à l'époque. Mais attends, je peux plus. Ils ont archivé des Skyblogs. Est-ce que tu crois que les nôtres sont archivés? Ah, moi j'ai tout screené. Été... Ah ouais? En tout claquos. Je suis pas sûr qu'on fasse partie, nous, de la sélection des archives quoi. Très intéressant. Après, j'avais un Skype. Oh, j'ai dit ça la dernière fois que je suis venu. Et j'en ai parlé deux fois dans ma vie. Je crois que c'est pas grave. Chez les ringards. J'avais un Skyblog sur la triche à l'école. Il s'appelait En mode triche. Mais oui, triche. C'est vrai. En mode triche. Et il était Skyblog Star pendant au moins 3 jours. Mais c'est incroyable. C'est fou. Skyblog Star, ça existe. C'est-à-dire que t'es dans le top 100. Ah oui, il y avait des. Ouais, je me souviens, c'est vrai, par exemple. Et du coup, je pense qu'ils l'ont archivé, bien sûr. En mode triche. Bah, quand même. Je pense que pour l'éducation nationale, ils l'étudient de temps en temps. Moi, c'était. Il y avait ça avec MySpace. Ah oui. Ça promettait un lien qui était fou à l'époque, à savoir, je peux être pote avec des stars un peu. Mmh. Genre, j'ai un lien avec des chanteurs ou des acteurs, alors que pas du tout, tu vois. C'était comme follow quelqu'un sur Insta. Mais à l'époque, c'était comme si t'étais. Ouais, t'avais un. C'est Dorelsan, MySpace Dorelsan à l'époque. Bah, okay. Et t'avais, t'avais l'impression. Beaucoup. Ouais, c'est ça. Et t'avais l'impression d'avoir un lien privilégié avec avec moi, l'artiste. Je comprenais rien à l'interface. Moi non plus, j'avais compris. Je crois que c'était en anglais même. Je crois pas que c'était traduit. Enfin, en tout cas, moi, je changeais. Je captais rien, ouais. Toi, Adrien? J'ai rien qui me vient. Je t'avoue. Ouais. Ouais. Alors un logiciel d'aujourd'hui que tu conseilles. Adibou, Adibou c'était bien Adibou. Adibou, non mais moi Skyblock j'ai jamais, je suis vraiment passé, c'était pas du tout je pense, je suis passé complètement, je sais pas si j'ai déjà lu un Skyblock quoi. Ah ouais. Ouais, vraiment. Des fois tu tombais dessus même, tu sais, tu voulais chercher des infos sur un artiste ou quoi, tu tombais sur le Skyblock officiel de l'artiste et t'avais des petits, tu sais, c'était le début de on donne des infos. Ouais, il y a un lien avec l'artiste. Mais, hebdomadaire, quoi. Ouais, ouais, un lien avec l'artiste. Mais non, mais c'est générationnel, quoi. Je pense que moi, ma génération, c'était pas Skyblock, quoi. Toi, t'as vécu l'arrivée du web en même temps. Donc c'est ça aussi. Bah, c'est genre, malheureusement, toi, vrai. C'est, c'est pas. Voilà. C'est Lycos, tout ça, ça te manque. Là, ouais, Wanadu. Alta Vista. Caramel. Non, mais en vrai, Caramel, t'as connu. Bah, Caramel, oui, vite fait, mais ouais. Pas tant que ça, quoi. Ouais. Ouais, non. AOL, t'avais le truc avec l'interface qui faisait du bruit, là, quand tu te connectais à Internet. Ah oui. Mais j'avais pas AOL moi, j'avais WorldNet. Est-ce que t'avais IM? Non, bah non, parce que c'est AOL Instant Flute. Messenger. Ah bah moi oui, je me souviens, je comprenais pas pourquoi on avait pas internet chez moi, parce que je comprenais pas comment ça fonctionnait. Parce qu'il y avait tout le temps des CD-ROM Club Internet dans des magazines. Et je me disais, bah j'installe là, internet. Peut, pourquoi on a pas internet? Installe-le. Installe internet sur l'ordi. On peut pas avoir internet ou quoi? L'Institut Régional Sport et Santé. L'IRSS, je vous dis que ça s'appelle comme ça, ouais, ouais. A publié un sondage concernant quelque chose dont 93% des Français sont très heureux, et dans les 7% de Français qui ne l'aiment pas, certains le trouvent vieillot, banal, voire même ridicule. De quoi parle-t-on? C'est nous. Alors, le podcast. 93% nous aiment, non, Adrien, ouais, c'est pas nous. Attends. 93% des gens, des Français. Mais c'est un sport ou pas du tout? Ce n'est pas un sport, non mais on peut poser plein de questions. C'est quoi, l'Institut c'est Jeunesse et Sport? L'Institut Régional Sport et Santé, mais alors attention, ça n'a aucun lien. Ni avec le sport, ni avec la santé? Non. Ah bon, mais c'est non. Fou. Oui, oui, alors sais, j'ai envie de dire de quoi il se mêle du coup. Bah, un sondage sur un truc. Bah, c'est un autre sondage qui demande de quoi se mêle l'IRSS. 93% des gens l'aiment. En sont très heureux, ouais. En sont très heureux. Ouais, dans un truc de satisfaction, ils sont contents. C'est un truc. Ce qui est énorme quand même, c'est un gros chiffre. Est-ce que c'est un truc un peu genre qui est très ancré dans la culture, le folklore français, on va dire? Non, mais c'est un truc qui nous concerne tous. Toutes et tous, et qui est, oui, qui est mondial en fait. Qui est mondial. Tout le monde a ça, ouais, tout le monde a ça. Mais les Français en sont contents. Bah, en tout cas, dans ce sondage, on a demandé aux Français, mais on aurait pu faire le même sondage dans n'importe quel pays du monde. Ok, est-ce que c'est un service? Ce n'est pas un service. Est-ce que c'est de la nourriture? Non, ce n'est pas de la nourriture. Est-ce que c'est un truc physique, tangible? Très bonne question, ce n'est pas physique. N'est pas physique. C'est quelque chose qu'on a depuis quasiment la naissance en réalité. Enfin non, depuis la naissance même, on peut le dire. Parfois même avant. Des yeux. Pas des yeux. C'est dans nos yeux. Bah, ils sont tangibles. Parfois même avant, t'as dit. Bah parfois c'est décidé avant, ouais. Le prénom. Ah, leur prénom. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Les prénoms. 93% des Français et Françaises ont déclaré aimer leur prénom. Tout simplement. Dans le détail, 27% des personnes interrogées jugent par ailleurs le leur banal, tandis que 20% le trouvent original, 19% élégant, 14% vieillot et même 2% ridicule. C'est dur. Si la grande majorité des personnes interrogées disent apprécier le prénom qui leur a été attribué à naissance, cette donnée contraste avec la souffrance qu'il a pu aussi engendrer dans leur vie, parce que par exemple, 21% des personnes interrogées ont fait l'objet de moqueries liées à leur prénom. Certains, 5% des répondants en font même encore l'objet de railleries aujourd'hui adultes. Mais on a leur prénom, on peut se moquer d'eux aussi. Voilà, pour déterminer. Alors oui, ça permet de poser d'autres questions. Enfin, ça, le sondage permet de poser d'autres questions pour déterminer quel prénom donner à leur futur enfant. 33% des Français ont privilégié une prononciation simple et claire, genre un prénom pas trop chiant à dire, quoi. Lou, par exemple. C'est simple. 31% un prénom peu courant et original. 28% ont opté pour un prénom avec une belle signification ou une histoire particulière. Et un sondé sur 4 a aussi pris en compte l'avis de son cercle intime, puisque 26% ont opté pour un prénom qui plairait à toute la famille. Ah ce bon qui me paraît énorme, moi, ça, ouais. Mais ça paraît dingue de demander à toute la famille. Ça me paraît. Alors, ça moi, ils n'ont jamais été d'accord sur rien, donc c'est le prénom fou d'un enfant. Ouais, ils sont tous divorcés, donc je vois pas comment ils pourraient. C'est trop fou. Est-ce qu'autour de la table, on est heureux de son prénom? Bah oui, évidemment, j'ai posé ça à Anis. Bah oui, moi j'aime bien mon prénom. Et tu sais d'où, pourquoi tu t'appelles Anis? Parce que c'est mon père qui aimait bien ce prénom. Voilà. C'est juste une appréciation. Mais pour moi c'est une grosse info parce que j'ai pas grandi avec lui. Ah oui, d'accord, ok. Donc pour moi c'est un énorme cadeau qu'il m'a fait. D'accord. Non mais ouais, je sais que c'est un prénom qu'il aimait bien. Voilà. Et que aussi, par contre, moi j'ai un deuxième prénom. Allez, je le dis. Non, c'est mon troisième prénom. Et c'est un... Allez, c'est le sixième. Il le recule, il a honte. Non, mais je vais le dire ici, vous allez rigoler. Mais bon, non, alors là, on rigolera pas, promis. Si. Je vais tout faire pour pas rire. Mais vous êtes pas prêts. Ok. Vas-y. Comme disent les jeunes. Mon sixième prénom, c'est Alain. Franchement, ça va. Ça va. Je m'attendais à pire. Ouais, c'est vraiment. Parce que pour moi, c'est Alain Chabat pour moi, donc c'est stylé. Ouais, quoi. Je pense qu'il y a pas beaucoup d'arabes qui s'appellent Alain ou quoi. C'est vrai. Mais un amour de la lettre A. Voilà, ouais. Anis, ouais, ouais. Alain. Tous les prénoms commencent par A. Non, c'est Elias l'autre. J'avais cru trop. C'est quoi l'autre? Elias. C'est beau, Elias. Elias, c'est très beau. Ouais. Très beau prénom. Mieux qu'Anis, j'ai compris. Allez, oh. Non, pas du tout. Ah, enfin, tu beau. Peux encore changer. Mais Enya, tu as un joli prénom d'ailleurs. Enya, très joli. C'est pour ça que t'as inventé cette stat qui n'existe pas. Un petit peu. Tout est faux. D'un pays, l'IRSS, ça a choqué personne. C'est vrai. Oui, Enya, t'es contente de ton prénom? Oui, moi je m'appelle Enya parce qu'il y a une chanteuse irlandaise qui s'appelle Enya. Ah, bah je me demandais c'est justement. Et mes parents, mon père particulièrement, était fan de cette chanteuse. Donc je me dis heureusement qu'il n'était pas fan de Véronique Sanson. Oui, ou de Régine. Voilà. Ou de Lady Gaga. Gaga Barou, on ira. Non, voilà, je suis contente, c'est bien. J'en ai jamais rencontré. Alors si, j'en ai rencontré une en projection là du film. Il y a une fille qui s'appelle Enya qui est venue avec son père qui s'appelle Olivier. Oh, incroyable. C'est la première fois de ma vie que je rencontre une autre Enya. C'était pas un miroir. Non, peut-être que c'était une mytho par contre, je sais pas. Peut-être. Mais elle avait genre 12 ans, donc c'était trop chou. Trop mignon. Ouais. Hein. Et t'as des deuxièmes prénoms ou pas du tout? Oui, c'est les noms de mes grands-mères, donc c'est Simone et Françoise. Ok. Voilà. Non, mais stylé. C'est souvent les deuxièmes prénoms, souvent les gens de la famille qui viennent un peu prendre les deuxièmes prénoms. Voilà. Moi j'ai ça aussi. Moi c'est mes parents. C'est un petit. Tes deuxièmes prénoms, c'est tes parents? Ouais. L'ego ouais. des gens là. Ouais, c'est clair. Ouais, bizarre, ouais. C'est Sylvain parce que ma mère c'était Sylvie, ils ont masculinisé le truc. Et Brillant, si je peux me parler. Sylvain Mathieu. Sylvain Mathieu. Adrien, Sylvain Mathieu. Adrien, ouais. T'aimes bien ton prénom? Ouais, moi j'aime bien mon prénom. Tu sais d'où ça vient ou pas? Non. ils aimaient bien. Enfin, tu sais, il n'y a pas tellement d'explications généralement. Non, mais quoi, si. Non, des fois il y a Enya. Ouais, mais généralement je parle. Ouais, c'est vrai. Mais là c'était genre, oh, bon, c'est bien. Et toi, Florent? Moi, Florent, alors c'est parce que c'est très... Est-ce que t'aimes bien, déjà? Moi, j'aime bien. J'aimais pas avant parce qu'il y avait un autre Florent dans ma classe. Ok. Et moi, du coup, c'est pour ça que je suis devenu Flaubert. Et toi, il t'appelait le Florent nul aussi. Bah non, mais Flo 2. Non, mais Flaubert, ça vient de là, à la base. Parce que c'était Florent Bernard, et donc il m'appelait Flaubert. Mais du coup, j'avais toujours eu un truc de... Ouais, donc je suis pas Florent, quoi. Ouais. Non, je suis quand même number two, quoi. Il y a quand même un Florent. Florent. Ouais, bah ouais. Il fait quoi dans la vie maintenant, lui? Incroyable. Si est-ce je qu'il a... Je c'est le vrai dis pas, mais ouais. C'est vrai. C'est Florent Pagny. C'est Florent Manodou. Florent Manodou. Et est-ce que tes parents, ils avaient anticipé ça, le truc de Flaubert? Pas du tout. Ouais. Bah non, non, non, pas du tout. Pourquoi ils m'ont appelé Florent? Parce que je devais naître le 4 juillet. Tel le film d'ailleurs. Bien sûr. Ils ont pu t'appeler Tom. Voilà. Et c'était la Saint-Florent. Ils ont fait, oh bah c'est bien. Ah ouais, en fait, ah ouais, donc c'est... Après. Ah ok. Aucune considération quoi. Non mais après. Ils ont jeté une fléchette sur un truc, ils ont fait, bah c'est tombé sur Florent, allez. Non mais après le prénom est joli donc c'est cool. Ouais, moi quand je suis né, c'est la Saint-Sanson, mec. Ah ouais. Le blast, Véronique Sanson. Ouais. Sanson, remarque, c'est style. C'est un peu. Ah non, c'est pareil, c'est un peu. C'est dur Sanson comme prénom. Tu sais, c'est des prénoms où tu dis, t'as. Ouais, mais j'ai un pote. Heureusement que j'ai pas eu d'enfant parce que t'aurais détesté. Parce que moi, deux prénoms que j'aimais bien, c'était Lazare et Ulysse. Ulysse, j'allais dire Ulysse. Ulysse, je trouve que ça fout la pression à un enfant. Ouais, grave. C'est un peu comme Orphée, quoi. Ouais, c'est même vibe. Ouais, mais. Moi, j'en connais un, un enfant qui a 3 ans, il s'appelle Ulysse. Ouais, j'aime bien. C'est stylé, quoi. Moi, je la pète un peu, non? Bah là, il est. Ouais, tu vois, l'Iliade. Pour moi, il peut avoir que des cheveux longs, blonds, bouclés, tu sais. Hyper. Mais tu vois, déjà, il a l'impression de fou que ça met, c'est dingue. Ouais, mais je sais pas, Ulysse, je sais pas, j'aime bien. Mais bon, de toute façon. Vous avez déjà réfléchi à ça? N'arrivera pas, c'est bon, j'aurai pas d'enfant, Florent, ok? Bah, tu vois, je suis rassuré. Et Francky, d'ailleurs, pourquoi Francky, ton chien? Parce qu'Adrien, un chien qui s'appelle Francky. Francky, putain, faudrait que je me. Alors, c'est mon ex qui a trouvé le nom. Et c'était, putain, je me rappelle plus. Je bah, Francky Vincent, le restaurant, pour moi. Il y avait ça. Ouais. Non, non, en gros, elle, parce qu'il y a un personnage d'un bouquin, mais je me rappelle plus, qui s'appelle Francky. Ok. Elle saurait le dire, je sais plus. Et puis il y avait aussi, parce qu'il y avait Frank Kim aussi à l'époque. Ah, bon, je pense que c'était l'argument qu'elle m'avait donné pour. Pour te choper. Ouais, voilà. Mais en vrai, ça a marché. Ça a très bien marché. Si. Je sais pas si vous voulez des enfants ou non, ça ne me regarde pas, mais si vous en aviez, est-ce que vous avez déjà réfléchi à des prénoms, des trucs que vous aimez? Oui, mais c'est de la merde apparemment, c'est de la chiasse. Non, pas du tout. Pas du tout. Ou même à des animaux peut-être? Non, Non, moi je crois que j'aimais bien Nina, mais on m'a souvent dit que c'était un nom d'actrice porno, enfin que ça faisait un peu actrice porno. Je sais pas pourquoi, ah, des gens m'ont dit ça souvent. Des fous porno, je pense. Nina Simone, ouais. Bah ouais. C'est stylé, je trouve. Moi, ouais, mais toi, t'es en train de fumer une clope là, de toute façon. T'es un poète en fait. C'est une gitane. Moi, enfin, j'aime bien les prénoms masculins pour une fille, l'inverse là, genre. Genre Charlie. En ce moment, ouais, en ce moment, il y a beaucoup de rebeux qui s'appellent Ryan, et je trouve pour une fille, Ryan, c'est joli, tu vois. Faire l'inverse. Parce que dans LOL, il y avait Stéphane. Vous vous rappelez de Oui. Elle oui. m'avait marqué, il y a une meuf, elle s'appelait Stéphane. La meuf qui a joué. Non, c'est pas rien à voir. Ah, je sais pas si elle a. Non, continué, c'était la brune aux cheveux longs bouclés. Ouais. Attends, ouais. C'était pas le rôle principal. Ouais, c'est un petit rôle, elle dit, je m'appelle Stéphane. Dans le film LOL. Ouais. D'accord. Ouais. Non, dans LOL qui arrive en saison 2. Ah, je suis pas autant en promo. Qu'est-ce qu'il aime Amazon, ce mec, c'est fou. Non mais ça, moi ça je trouve ouais moi je trouve ça très joli effectivement de d'inverser un peu les et toi bah alors monsieur qui est papa quand même nous non c'est ça juste a pour... beaucoup réfléchi ça non alors moi j'avais une envie et en fait moi je voulais Souchon la petite Souchon Alain Bernard Souchon. Alain Souchon Bernard non j'avais pensé à Billy je trouvais ça joli et en fait je me Billy suis Blanc. Oui mais alors apparemment Billy c'est aussi. très connu enfin c'est très commun maintenant c'est un peu un prénom où quand elle aura 30 ans, elle croisera 12 Billy, ce qui n'est pas grave en soi. Hein, c'est la pas fille ce que de je M s'appelle Billy. C'est ça. Ah ouais. Et elle chante en plus. C'est ça. Enfin, ça, on s'en fout. Mais... Peut-être tu veux dire que ça ne sera jamais chanteuse, ma fille. Non, c'est je ça veux dire que voilà, il y a des gens connus qui vont devenir encore plus connus qui s'appelleront Billy. Quoi. Apple, je pense que vous connaissez, a sorti des nouveaux emojis, pardon, à votre avis, lesquels? Oh, ça j'aime bien. Oh là là. Ah ouais. Alors c'est très large évidemment. Hein. Bien sûr. Alors est-ce que ça représente des humains? Alors il y en a un qui représente effectivement un visage qu'on n'a pas vu. Un visage jaune ou un visage humain? Bah tu sais tu peux choisir maintenant. Donc, oui. Non mais pas tous. Ah ouais? Ah bon bah non mais non, a... mais non, ceux mais... qui sont ronds c'est les jaunes. Ah. Est-ce que c'est un smiley ou est-ce que c'est un visage humain? Humanoïde. Il est. Voilà. Alors je sais pas. Honnêtement je sais pas. Je vais regarder. Je vous dis ça dans quelques secondes. Mais en tout cas oui c'est un visage. Ok, bon. Mais moi je sais pas si. Est-ce que ça sort tout le temps des mises à jour d'emojis là? Assez souvent. Alors c'est un smiley apparemment. Ah voilà, c'est le visage jaune. Voilà. Donc qui évoque une émotion a priori. Ouais. Exactement. Qu'est-ce qui manque? Une nouvelle émotion. Bah, je sais pas, le stress. La dépression. Alors, on s'approche. Le stress. Okay. C'est horrible que ce stress. Question. Dépression. On est allé là-dessus direct. Non, mais quoi. C'est un truc plus. Comment dirais-je? Plus concret que ça. Désespéré par le nouveau président des États-Unis d'Amérique. C'est vraiment ça. Ou genre juste il a une casquette maga dit, quoi. Je vous montrerai l'emoji. Ça peut complètement être ça. Ok. Okay. Mais c'est un truc physique. Avec disons. Des cernes. Très bonne réponse. Oh ah, Méniel et oui. Fatigué le... quoi. Ouais. Quand on a marre. Voilà. Je vous le montre. Ah oui. Il est bien. Lui. Quand lui il est pas bien. Ouais. Quand tu l'envoies à des gens c'est bad vibe. C'est un peu appel au secours quoi. Non il est bien. Non, moi je vais l'utiliser quand quelqu'un fait une vanne nulle, ça. T'as un peu pitié pour lui, t'es mal. On a un nouvel instrument également. Ok. Ah, ouais. Alors attends. Une harpe. Très bonne réponse. Oh, wow. Que hasard. Bah, une étoile pour moi. Oh, wow. Effectivement, une harpe. Ça prouve que je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Vraiment, ton cerveau s'était dit, putain, il manque un instrument là. J'aimerais tant utiliser la harpe. Alors, il y en a un ou deux que je vous donne, parce que vraiment, une tache de peinture. Bon, oh, plutôt, okay. Ouais, pas. Bon. Bon, je pense un petit côté 90s un peu, je sais pas. Les quoi. Gens arriveront à en faire un truc de cul dans un mois ou deux, normalement. Bah, s'il y a peinture blanche, oui. Il y a un outil. Ah, un outil. Une clé à molette. Pas une clé à molette. C'est décevant, je préfère vous dire. Il y a déjà suite, un marteau. Donc... Ouais, il y a un marteau. Ouais. Déjà. Un outil pour bricoler. Et plutôt pour jardiner. Ah, un râteau. Une pelle, une bêche. Ouais. Oui. Oui, non, mais en même temps, une pelle, c'est vrai que ça peut manquer. Ça peut manquer. Ça si peut tu fais des rébus. Bah ouais, si tu mets le truc avec les flèches tournées, rouler une pelle. Attention oh, wow. Vous voulez qu'on transforme chaque émoji en cul? Ça va. Le dernier. Alors celui-là, franchement, je sais pas comment vous pouvez le deviner, hein, pour être tout à fait honnête. On peut. Si on peut. On peut. Est-ce que c'est un objet? C'est pas un objet. Est-ce que c'est un symbole? Un drapeau? Non. Alors il y a un nouveau drapeau aussi effectivement parce que c'est le drapeau syrien qui a été modifié avec ce qui s'est passé là-bas récemment. D'accord. Donc le drapeau a changé, mais le drapeau il a changé d'ailleurs comme disait Kylian Mbappé. Et non là c'est pas ça qu'on cherche. Je sais même pas vous dire. Attends je vais regarder sur Google comment la définition c'est du mot. C'est un kanji. C'est genre kanji c'est les caractères japonais. Ah non c'est pas ça. C'est... Ah, tu vois, pas, j'aime dur. Pas le mot. C'est quoi? C'est un rond de couleur? C'est une bulle d'air? Non, c'est pas une bulle d'air, c'est une sorte de dessin d'un truc. Ouais, un emoji quoi. Non, mais. C'est un truc au trait quoi, enfin, c'est genre juste. Ouais, un truc que tout. Ouais. Ah, mais un symbole, mais c'est figuratif, ça représente quelque chose? Oui, ça représente. Oh là là. Ouais, c'est ça qui est dur, mais je t'avais dit, c'est compliqué. Il faut que t'arrives à nous donner un indice. chercher dans le monde de la police et un portrait robot. Des affaires criminelles. Des empreintes digitales. Oh là là, empreintes digitales. Wow. Bah tu vois quel mot tu utilises pour te dire ça, tu vois, c'est pas facile, ouais, hein. Ouais, je sais pas. C'est pas vraiment un symbole, tu vois. On reste un peu dans la tâche de peinture un peu. Ouais, un petit peu. Est-ce que ça utilise des émojis autour à de fond, la table? Oui. Ah ouais? Ah ouais. Trop. Ah, oui. Ah ouais? Mais trop, et on me dit que je suis boomer à fond. Je sais pas, je mets trop d'émojis tout le temps. Est-ce que boomer, moi je me pose la question, c'est une théorie que j'ai, est-ce que c'est pas juste vieillir et du coup on t'interdit de faire des trucs? Si, bah oui, on est d'accord, c'est ça. Bah, non, mais parce qu'on le fait pas mal. Moi, pour moi, boomer c'était des vieux qui utilisent mal des trucs jeunes, mais tu vois. Oui, maintenant c'est tout quoi. Maintenant c'est juste t'es vieux et tu dis des trucs jeunes, bon bah t'es un boomer quoi. Après, boomer ça peut être aussi un peu t'es vieux et t'es réac et tu dis des trucs un peu. Ça j'avais. Un peu sur le border quoi. Ça j'avais. Comme les emojis, ils nous saoulent là à changer. Mais... Ouais. Non, mais le truc c'est que les emojis c'est pas un truc de jeune du coup. Ah non. Donc du coup, en fait, soit tu utilises des trucs de jeune et on te dit t'es un boomer, soit tu utilises les trucs que t'as toujours utilisés et t'es aussi un boomer. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, c'est juste. Bah moi, c'est je suis un quoi. Peu un boomer parce que j'utilise pas les emojis, j'utilise les accents circonflexes, parenthèses, trucs comme ça. Ah, ça c'est vraiment. Ouais, j'aime bien. Mais après, j'utilise. XD, j'aime bien XD. Mais t'es. Ouais. Mais j'aime les deux chapeaux. T'es un otaku. J'ai arrêté ça. J'ai adoré ça. Bah c'était trop bien. Les deux accents circonflexes, attention. Ah ouais. Ils ont été très utilisés dans ma vie. T'es un otaku en fait. Mais. Première fois. Les jeux vidéo ont pris une vie, heureusement, il m'en reste deux. Première fois qu'on m'a dit XD, j'ai pas compris. Le quiproquo du c'est qui XD. Et non, c'est moi qui ai dit c'est qui XD. Ouais. Et la personne dit c'est moi XD. Tu vois? Et moi j'ai dit non, mais qui est XD? Mais c'est moi XD. Putain, on dirait un sketch de Chevalier Las Palais quoi. En fait, la personne a dit mais c'est moi, haha. Et moi je dis mais qui est Xavier Denis? Xavier Dupont de Nivelles. Ah, XD, le premier. C'est ça XD, ouais. C'est XDDL quand t'es vraiment mort de rire. XDDL. Toi, tu utilises tant que ça des emojis, toi? Pas toi. Ouais, si, si, si, si. Nous, on les utilise que ironiquement, j'ai l'impression, à toi et moi, ensemble. Non. J'aime bien ton... Non, j'en utilise pas énormément, mais je trouve que pour préciser le ton de ta phrase, c'est important, quoi, parfois. Ah ouais, je suis d'accord. Bah, je trouve, ouais, parce que c'est tellement froid, le texte, que... Est-ce que vous en mettez dans les mails? Non. Non. Mais pourquoi on n'a pas le droit dans les mails? J'ai l'impression que je l'ai fait il y a pas longtemps. Des fois, j'ai un mail qui est trop court et je me dis ah, il leur manque des infos là. Et parce que c'est des mails. Remettre un emoji pour qu'ils kiffent quoi. Mais le mail c'est pour le boulot quoi. Le mail c'est pour le boulot quoi, donc c'est bizarre de. Non, mais c'est vrai que ça, parfois il y a des le ton, tu peux pas choper le ton forcément de ce que tu dis, tu vois. Ah ouais. Ton emoji permet de mettre le ton. Parfois tu peux être froid alors que t'es sympa. Bon après les mails c'est souvent c'est très pro aussi, Yannis, tu peux pas. Ouais, mais justement quand des fois t'es assez concis. Un emoji, ça permet de dire, en tout cas, je suis... Je t'aime bien quand même. Ouais, ou je suis hypé par un projet. Tu peux mettre un gif, sinon. D'œil. Un gif. Un gif de singe. Non, mais c'est bon, je vais arrêter de le faire. Non, mais non. Non, mais attends, tu veux rendre plus cool les mails, et c'est un beau combat que t'as. Cet appart m'intéresse, emoji. Emoji billet. C'est un petit peu cher, emoji billet. Avec Adrien, sur les mails, ce qui nous rendait fous, c'était les gens qui mettaient les trucs importants en rouge. En rouge, en gras. Ça peut rendre fou. Ça existe, ça? Ah oui. On en a eu à Golden. Ah ouais, à Golden avec Anis, on en a eu des gens comme ça. Petit coup de pression. Moi, je vois les trucs en gras, tu vois. Ouais. Toi, tu fais en gras un peu des fois? Non. Moi, je fais souvent mes mails sur iPhone, donc c'est un peu genre, tu vois, il y a marqué envoyé par iPhone, et puis tout est un peu mal mis. Est-ce que vous effacez le envoyé par iPhone? Non. Oui, moi je le fais. Moi, je le trouve humiliant, je l'efface. Mais tu peux le désactiver. Que t'es pas au bureau, quoi. Je crois que tu peux le désactiver, non? Ok. Ouais, je vais l'effacer à la main, mec. Je vais à Apple. Moi, je pense qu'il faut le laisser, ça montre que t'as pas le temps. Okay. Ah oui, pas mal. Là, tu vois, t'es en déplacement, t'es là, je te réponds deux secondes, tu vois. Dans ça, ce que je fais énormément, mais beaucoup trop, programmer un mail. Oh mon si. Et toi aussi, t'es adepte de ça. Je sais même pas comment on fait. Ah mais, si, c'est à côté c'est de la côté. Petite, de la petite, ça, quoi, la feuille de papier. L'avion. L'avion, enfin. Et bah, tu surcliques dessus. Ouais, il y a une petite flèche à côté, je crois, toute petite, et tu peux mettre programmer l'envoi. Mais moi, je vais faire ça. Moi, je le faisais avant même qu'il y ait le truc. J'avais, tu sais, comment on dit. Domestique. Une extension. Non. Et tu disais, Bernard, vous appuierez sur le petit avion en papier. Non, j'avais une extension que j'avais ajoutée qui permettait déjà de le faire depuis longtemps. Ah, parce c'est bien, que ça permet de montrer que genre t'es pro. Lundi 8h. Ouais, 9h. Non. pas trop cramé. Ah, okay. Avant, je faisais 7h12. Et... Bah oui, il faut mettre des. T'as l'air d'un gars qui a fait une nuit blanche. C'est ça, c'est ça, mais c'est ça. Ouais, ouais. Non, un petit 9h23, et moi, je dors. Voilà. Alors, vous utilisez tous l'appli de base mail de l'iPhone ? Non, moi, je l'ai passé ça. Moi, je suis Gmail, ouais, moi, j'ai Gmail, j'ai mis Gmail. Moi, j'ai l'appli de base, mais coup, elle est un peu nulle, l'appli iPhone. Bah, mail. C'est ça, moi, elle m'a saoulé. En fait, surtout, j'avais. Pour une raison que j'ignore, 35 000 mails non lus et ça m'angoissait de fou d'avoir ça sur mon téléphone. Alors que Gmail, c'est à peu près. Gmail, il n'y a pas marqué envoyé. Non, iPhone. oui, c'était. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Non, mais vous mentez, il n'y a aucun problème. Non, mais il débunk. Non, parce que j'utilise aussi mail, mais pour les mails Radio France, tout ça, vu que c'est. Alice, ton supplie ne te justifie pas face à cette attaque. C'est vrai. Mais là, je viens de découvrir que je suis susceptible. Parce que c'est pas très grave ce qu'il m'a dit. Vous avez le droit de garder silence. Vous venez de mentir devant des millions de. Regarde, 2 millions, attention. Regarde, il boit un petit verre, juste après. Aucun problème. Il est fier. Très démasqué. Ah ouais. Il vient de mettre un impair, il s'en va là. J'ai beaucoup regardé The Shield, je sais comment on interroge des gens. Bien joué. On fête un anniversaire, dites-vous. Alors, on l'a fêté la semaine dernière pour nos amis éditeurs. Mais la semaine dernière, on a fêté les 10 ans de quelque chose qui a eu lieu sur Internet. À votre avis, de quoi on parle? Ah, ça me dit quelque chose. Oh là, regardez-le. Là, il s'est pincé le haut du nez. Attends, ouais, c'est vrai. Comme si j'avais des lunettes. Alors. Donc 2015. C'était 2015, effectivement. Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu un mème? Oui, d'une certaine manière. C'est bien pas Baptiste. Mais si, je suis très nette. Oui, non, c'est pas ça. C'est okay, pas ça. C'est pas lui. C'est une vidéo. C'est pas une vidéo. C'est pas qu'est-ce qui est jaune et qui attend Jonathan. Ah, je pensais à Niels. Bah, c'est bien Niels, bravo pour l'appareil photo. Ah, ça, génial. C'est plus vieux, non? C'est un 2015, j'ai l'impression. Je sais pas, moi. C'était pour débattre, Adrien. C'était pour animer un peu l'émission. Je voulais pas t'attaquer. T'énerve pas. Ah, je suis dans un sale mood là. Mais il fait beau, regarde. C'est ce mensonge sur les mails. Il y a un plaid. Il y a un putain de plaid. Mais enlève ce plaid qui voit le soleil. Pour dire aux gens, j'ai installé un plaid sur ma fenêtre, parce que sinon il y a la lumière dans les yeux des gens, j'ai pas de rideau. Oui, on va pas le dire à chaque épisode. On va sortir une keynote litchi, on va lancer des rideaux, un Patreon. Avec cet appartement de 400 mètres carrés, quand tu peux ne pas avoir de rideau. C'est un mème français ? Non, pas français. Ok, ah. C'est un truc international. Exactement. Mais c'est devenu un mème ? Oui, c'était même un truc qui a beaucoup tourné en tout cas. Mais c'est pas un mème, C'est une expression un peu ? Non, c'est pas une expression. C'est un challenge ? C'est pas un challenge. C'est une vidéo. Est-ce que c'est une vidéo? Pas une vidéo. Non, c'est pas une vidéo. Une image. C'est une image. Ah. Un challenge. Il y a plus trop de. Ouais. Non. Genre le ice bucket, exactement. Ça, c'était complètement. Ne déprimez pas, challenge. Je crois qu'il y a lieu tous les jours. Oui, mais c'est pas des stars qui le font. Non, maintenant il y a les trends. Oui, c'est vrai. Ah, sur TikTok, ouais. Mais il y en a une par jour là. Faut suivre. Faut suivre. Une image, donc. Une image, exactement. Qui a popé en 2015 et qui est devenue. Qui a fait sensation, quoi. Il y a même eu, je peux te le dire, 10 millions de tweets au sujet de cette image. Ah bon ? Ah ouais. Ah la robe jaune et bleue. Moi aussi, j'allais dire ah, ça. Ah, on savait pas si c'était la bonne couleur, c'est là. C'est ça, la robe 2015, bleue, noire ou blanche dorée. On voit tous une couleur différente, mais comment on explique ce truc ? Alors, justement, alors, il y a eu un. C'est la lumière ambiante, je crois, qui fait que tu le vois. Non, je crois que c'est propre à chacun, non ? C'est ton œil, en fait. Oui, c'est ça. C'est ton. Oula, attention. Il va boire un verre d'eau. Le conspirationniste. Regardez-le, il va boire un verre d'eau. À mon avis, c'est un mensonge. Laissez-moi peut-être rappeler à certaines personnes, parce qu'il y a 10 ans, on a des auditeurs qui ont 17-18 ans, ils avaient 7-8 ans à l'époque, donc ils n'ont pas dû le voir passer. Ils étaient sur le web. En quelques jours, le débat avait suscité donc près de 10 millions de tweets. La raison d'un tel déchaînement de passion est simple. Non seulement tout le monde était persuadé que le voisin qui disait voir autre chose mentait, mais parce que en fait, tous les yeux n'étaient pas calibrés de la même manière. Et il y a une raison. Oui. C'est-à-dire que c'était une robe. Certains la voyaient bleu-noir et d'autres la voyaient blanche-dorée. Ils disaient mais comment, mais n'importe quoi. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi on les voyait différemment. Tu l'as en photo là ? Je peux la trouver, ouais, je vais la trouver. Une musicienne écossaise est à l'origine de la guerre des couleurs, comme on l'appelle. Mmh. Alors que deux de ses proches amis s'apprêtaient à se marier, la maman de la mariée a pris la robe en photo, donnant lieu au premier passe d'armes. Excédée par ce débat, la musicienne écossaise, a voulu jouer l'arbitre en demandant à sa communauté de trancher. C'est comme ça que ça s'est lancé. Ah ouais. The Dress, ça s'appelle, qui a carrément une page Wikipédia. The Dress Gate. Au final, c'est ça qui est problématique, c'est que personne lui a dit qu'elle est moche cette robe. Elle fallait lui dire. Il fallait la changer. Change de robe. Peu importe la couleur, en fait. Ouais, c'est ça. Donc oui, certaines personnes corrigent naturellement en fait un défaut visuel en effectuant une sorte de balance des blancs pour déterminer la couleur réelle de l'objet photographié. Donc tandis que des autres, quand ils voient la photo telle qu'elle est, très surexposée, et donc ils la voient d'une autre couleur. Qui est celle qui est blanche dorée, parce que donc la vraie couleur c'est bleu. Désolé hein, moi je vois bleu. C'est nous qui avions raison. Faut savoir que Tom Christ, à l'époque directeur des données de Tumblr, oui Tom Christ. Ah oui, bah c'est son nom. C'est drôle. Et, évidemment, Tom Christ. Tom Christ. Déclarait qu'à son apogée, la page en question recevait 14 000 vues par seconde. Les personnalités s'étaient même glissées dans les discussions parce que Taylor Swift avait fait un tweet à ce sujet. Vous suiviez un peu ces débats un peu débilos. Anis, toi, t'étais à Golden, tu suivais beaucoup Internet à l'époque. Ah, oui, très, oui, bien sûr. T'étais dans, dans la machine. Non, mais dans le buzz. Là, ouais, j'ai revu que c'était les 10 ans et tout. J'avais la flemme là. Là, j'étais boomer. Je trouve, ça y est. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était un délire parce que bah, c'est le premier truc où il y avait ça, quoi. Ouais. Quand on sait qu'il n'y a pas eu depuis une quarantaine d'objets où on a buggé. Non, mais il y a que cette robe. Il y a que cette robe qui fait chier le monde. Je crois qu'il y avait eu un autre truc. Oui, il y a eu un autre mini truc. Ouais, je sais plus ce que c'était. Mais bon, après, mais tu vois, c'est rare. Le principe, ouais. Merci l'Écosse, quoi. Pour ce que vous avez fait au monde. Mais ouais, moi je suis un digger, j'aime bien. Ouais. Même maintenant, tu vois, je continue. Toujours, t'as gardé ça. Ouais, ouais, ouais. J'aime trop les délires de Snapchat et tout. Ouais. J'essaie de peut-être trop rester jeune, d'avoir trop les refs et tout. Je suis mort de rire des fois devant des trucs et tout. Bah, j'avais la porte, tu flossais. Donc ça, c'était un peu étrange. Non, ouais, j'aime bien, moi, tous les trucs de trend, de trucs. J'avoue, je suis un peu dans ça, ouais. J'aime bien tout capter, ouais. Donc mais c'est plus de la curiosité en vrai. Ouais, donc tu vas être très Reddit, non? Non, tu vas un peu sur Reddit. Moi c'est plus Twitter. Reddit c'est ringard de fou, hein. Ouais, c'est ringard de fou. Parce que moi j'y suis. Ah ouais. Parce que comme je vais moins sur Insta, je vais sur Reddit et c'est. Ah ouais, il y a 15 ans, Reddit c'était. C'est là où il y avait les trucs en premier et les mêmes partaient de Reddit, mais maintenant c'est les réseaux sociaux et après ça finit. Mais regardez M6, c'est cool. Non, mais moi j'aime bien, qui arrive, j'aime bien les trucs français et tout. Et Reddit c'est cool pour si tu veux capter le mood international et tout. Ouais. Mais sur Twitter, des fois il y a un débat. Je sais plus, je me rappelle d'un mec qui avait trompé sa meuf et tout le monde a retrouvé. Enfin, tu sais, a fait une enquête et toute la journée, lui, on le mentionnait en mode, tu l'as trompé, truc. Et il y a une autre meuf qui avait dit, mais moi aussi, je suis en même temps avec ce gars. Ah ouais. Et tu vois, et tu sais, ça, toute la journée, moi, je suis à fond. Franchement, je suis une commère, je suis en mode, mais où ça va finir? Moi, j'étais ce mec-là. Ouais. Et depuis quelques années, je fréquente Adrien Méniel, qui, quand je suis là-dessus, me fait. Mais c'est faux. Et maintenant tu t'es gâché parce que horrible, je le crois. C'est faux. Dans ça c'est faux. Non, genre, c'est vrai. Souvent je te raconte des trucs, oui, dis, mais c'est pas vrai. Et je fais, il a sûrement raison. Non, mais parce que justement je trouve que t'es bon. Je suis genre, mais il a sûrement raison. Mais il y a beaucoup de trucs mis en scène, même des vidéos, des des pranks et tout. Tu te sens trahi. Mais moi j'ai été trahi. Je vais vous dire, et je vais dire son nom. Et je vais vous dire son nom. Inès Reg. Moi je croyais que c'était vrai à la base. Ah, l'embrouille. C'était un sketch, Kevin. Ah pas. Non, j'ai eu peur. J'ai cru que Natacha Saint-Pierre c'était pas vrai. Je me suis dit. Non, mais là, c'était... un monde, c'est cool! Elles font un spectacle ensemble! Si c'est vrai! Ah oui, bah oui! Non, non, elles font un spectacle ensemble! N'existe pas, c'est une IA! Non, mais quand elle avait fait, mets-moi des paillettes dans ma vie, tout ça, je pensais que c'était une vraie meuf qui s'embrouillait avec son. Ah ouais! Bah, tu vois, en fait, c'était un sketch, tu vois. Ah ouais! Et donc voilà! Je crois plus en rien sur Internet. C'est nul! Mais Natacha Saint-Pierre, c'est vrai, donc ça rachète. J'espère aussi. Merci. C'est moins réjouissant, quoi. Ça, ça aurait pu être faux pour le coup. Donc du coup, il y a 10 ans, oui, toi, t'étais Golden. Ouais. Voilà. Quel souvenir t'as de cette époque-là, d'il y a 10 ans? Ah, c'était une bonne époque. Ouais, hein. T'as kiffé. Ouais, après, moi, j'avoue, je suis un peu arrivé après, j'ai l'impression, le prime. C'est vous étiez au prime. Oh, je sais pas, hein. J'ai l'impression que vous étiez plus heureux avant qu'on arrive. Je dis pas que c'est notre faute. Ah non. Oui, ça, c'est vrai. Non, mais c'est très vrai, mais c'est pas du tout lié à votre venue. Ouais, c'était plus un truc de... C'était le début, il y avait... M6 et compagnie comprenaient pas du tout pourquoi ça marchait, donc en fait, on était libre total. Et après, c'est devenu un peu plus une machine. Non, mais normal, parce que pour être aussi honnête, moi j'ai vu le truc de l'extérieur. Tu vois, j'ai eu 2-3 ans à me dire c'est fou ce qu'ils font ces gars-là. Et après, j'ai rejoint le truc. Ouais. Alors que vous étiez dedans, vous avez vu le truc monter. Mais en tout cas, c'était fou toute la période du lab. Ouais. Ça, c'était donc, génial. Pour les gens, le lab, c'était un endroit où on pouvait faire des vidéos, mais en une demi-journée, il y avait des contraintes de fou. Mais en même temps, on faisait ce qu'on voulait. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils le mettaient pas sur YouTube, ils le mettaient sur Dailymotion. Ouais, c'est ça. Ils considéraient que là, vous faites ce que vous voulez. Si c'est sur Dailymotion, vous, alors là, vous faites ce que vous voulez. Non, mais c'était lié au fait avec que les 30 euros. Ouais, c'était des contraintes de fou. C'était aussi un peu lié au fait que. Fait Golden, mais c'est marrant parce que ça rejoint un peu Enya aussi, un truc qui n'existe plus aujourd'hui, par exemple avec Bagel. C'est qu'à l'époque, si c'était pas des gens connus du début de Golden Moustache, les gens étaient très durs. C'était genre rendez-nous les suricates, eux on s'en fout, ils nous font chier et tout. Donc c'était un peu notre espèce de nous, on petit a que, virage. Franchement, avec Freddy Aurel, du coup, on a fait une chaîne qui s'appelle Multiprise. Ouais. Et on est, moi, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui me disent Multiprise, c'était fou. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit à l'époque? Parce que nous, dès qu'on arrivait, tout le monde disait, et il y a 3 nouveaux mecs, donc c'est, on veut les suricates et tout. Ouais. On disait, on a rien à voir, nous. Bah, il y a un vieux dans l'équipe là. Désolé, Aurel, il a rien demandé. Je me disais que ça faisait la différence. On a fait exprès de prendre un vieux pour que vous compreniez qu'on est différents. Non, mais moi j'ai l'impression qu'il y a... Alors c'était peut-être un peu après 2015, mais j'ai l'impression que même. Donc t'étais DA même à une époque et tout. À la fin. C'était tous les jours là-bas, quoi. Ouais, ouais. Tous les jours. Mais bah, il y avait un truc. Jusqu'à là. J'ai coulé la boîte, moi. je savais pas comment le dire. Et là, tu me mets sur le fait accompli. Je fais une interview très feel good, mais tu dis des trucs dramatiques. C'est l'inverse qui se passe normalement. Non, mais en vrai, ouais, ce qui était cool, c'est que, voilà, sur le. On va dire dans la période où il y a l'avènement du fit and fun, ouais. De la vulgarisation, de tout ça, c'était un peu obsolète de faire de la fiction. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir aider à la fin quand on a dit, bah, venez, on se bat pas contre eux. Ouais, on fait autre et chose. On fait des trucs de 20 minutes. Ouais. Je crois qu'on en faisait 4-5 par an. Ouais. Alors d'habitude, c'est un par mois, tu vois. Mm. Donc du coup, c'était le même budget. Hein, ouais. Mais juste moins de vidéos. Et du coup, c'était cool. On a pu prendre le temps. Et il y a pas mal de trucs qui ont été lancés, des artistes qui ont été lancés. Bah, tu vois, on avait fait un court-métrage avec Zoé Marshall. Ouais, bien sûr. Je crois que c'est grâce à nous. Mais en tout cas, on a pu. Non, mais on pouvait voir des gens. Ouais, mettre en orbite plein de créateurs, plein de trucs et tout. Et bien couler la boîte, du coup. Bah, pas de la même manière, elle a pas eu besoin de vous. Hein, je pense. Ouais, ouais, c'est vraiment pas vous. Toi, il y a 10 ans, Enya, tu faisais quoi? Alors attends, moi il y a 10 ans, je. 2015 du coup. J'étais assistante mise en scène sur des tournages. D'accord, ok. Donc, tu commençais à jouer un peu aussi ou pas du tout? Je ratais des castings hein, essentiellement. Ouais, ouais, c'est ouais. Ça. J'ai toujours raté. Hein, donc, franchement, à part le Visiteur du Futur, je crois qu'il n'y a rien que j'ai obtenu. Ok. Donc voilà, mais c'était cool, je faisais des cafés, des textes, j'en ai des comédiens. Enfin vraiment, j'étais. Voilà quoi, assistante quoi. T'as découvert l'ambiance plateau. Ouais, c'était trop bien. Mais et j'ai ça, adoré. T'as kiffé. Ouais, j'ai adoré faire ça. Ça a joué dans ton envie d'être réalisatrice ou c'est quelque chose que t'avais toujours en toi? Oui, ça a joué. Je pense que je suis devenue assistante en me disant j'ai envie de découvrir un peu le monde du cinéma. Et en devenant assistante, j'ai rencontré des metteurs en scène et tout. Et je me suis dit c'est trop bien. J'aime trop être sur un plateau, c'est trop bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ton film, ça fait combien de temps? J'ai l'impression que ça fait longtemps que tu l'as en toi. Ça fait 7 ans. 7 ans, c'est ouais. Ça. Mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est une durée. Alors c'est long parce qu'il y a eu le Covid et en tout. En vrai, sans les 2 ans de Covid, c'est plus une durée normale. Je c'est pense. Ça, c'est ouais. 5 ans à peu près. Ouais. La durée moyenne, ça peut être beaucoup toi, plus. Ça peut être beaucoup... C'était ça, toi. Moi, c'était plus, je crois même. Moi, j'ai commencé à écrire en 2018 et c'est sorti l'année dernière, tu vois. Ouais, 6 ans. Ouais, 6 ans. Ouais. Comment ça t'est. Alors, ça t'est venu avec une histoire personnelle, ouais. Qui est très liée à ta grand-mère. Ouais. Comment on arrive à vendre ça dans le paysage Oh, on n'y arrive pas, hein. Ouais. Non, bah en fait, c'est un film qui parlait du suicide assisté, de la c'est fin ça. De vie, c'est mais en, dit, ouais. en comédie. Donc ouais. Là, ça a fait bug dans le cerveau des gens. Enfin, ouais. des gens, je parle des financiers. Ouais. Et parce que sujet trop difficile, parce que les gens se sont dit on n'ira pas voir ça au cinéma. Voilà, il n'y aura pas de gens qui vont se bouger pour voir ça, c'est trop glauque, c'est trop triste, on ne peut pas rire de ça, c'est pas possible. Ouais. Alors que moi j'adore faire des blagues sur la mort. Ouais. Ça me fait rire. Non, mais c'est vrai, sur la maladie, la mort, enfin surtout quoi. Oui, et oui. Donc voilà, donc ça a pris du temps, et puis au final, il a fallu trouver les personnes qui ont eu la même vision que moi, et on a fini par les trouver. Donc, bah c'est... oui, et le casting est incroyable. Franchement, t'as eu un casting merci. De fou. Il y a David Ayala, qui est un acteur que j'adore, qui joue le papa. Ouais, exactement. Et qui était dans Miséricorde, là, qui a fait un peu parler, parce qu'il était très nommé au César. Ouais. Mais qui est super dans Miséricorde aussi, et c'est un super acteur. Ouais, moi j'ai super découvert acteur. Dans la série d'Argent et de Sang. Oui, de, bien de sûr. De Gianoli. Bien et, sûr, bref, bien sûr. Mais du coup, toi tu joues pas dedans? Non. Ok, pourquoi? Parce enfin, que veux, j'avais. Alors déjà, tu me parles pas comme ça. On dirait que je suis un fan de toi qui. Pourquoi tu joues pas dedans? Parce que j'adorais dans Fleur Bleue et là on est déçu. Non, mais ça m'intéresse. Parce que j'avais pas du tout envie, j'avais vraiment envie de réaliser quoi. J'avais envie d'être à 100% derrière la caméra et de rencontrer des acteurs et des actrices et voilà, de pouvoir avoir les cheveux gras et être jolie. Tu vois. Parce que et... tu trouves que c'est dur de faire les deux? Parce que sur Fleur Bleue, tu fais les deux. Sur Fleur 2, je fais les deux, mais ouais. Sur Fleur 2, je fais les deux. Ouais, sur Fleur Bleue, je fais les deux. Je fais les bleus. Fleur Bleue 2. Wow, ouais. Mais je suis pas toute seule, il y a Martin Darondeau avec moi qui co-réalise, donc c'est lui qui est derrière l'image en réalité. Et dans le film, surtout, il y avait pas de rôle pour moi en fait. Je voulais oui, c'est parler ça, c'est de. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est que souvent sur internet, je me souviens quand on disait il faut une actrice qui a l'air d'avoir 15 ans, bon, on appelait Enya. On appelait Enya, ouais, tout à fait. C'était un peu cringe d'ailleurs parce que vraiment, j'ai quand même joué la fille de Marion Seclin. Ouais, ça c'est hilarant. J'avais le même. Mais alors ça, c'est j'ai le même âge qu'elle. On était dans la team à l'époque, c'était sur le tour du bagel. Sache qu'on n'était pas d'accord avec ça non plus. Ah ouais. On disait que c'était absurde, mais bah, on pouvait pas payer d'acteur mineur. On était que auteur. Que auteur, bien sûr. Ouais, ça fait un peu l'effet c'est un peu Benjamin Button quoi, il y a un truc un peu genre elle a un peu en physique chelou, genre voilà, on va l'appeler elle, on va lui mettre des nattes et puis c'est parti quoi. Ça marche très bien. On lui met un sac à dos et ça fonctionne. C'était ça, on mettait un sac à dos et des nattes pour de vrai. Mais il y avait eu un sketch comme ça aussi chez, je me souviens, Golden Moustache, moi avec Aude Goni Goubert, hein, joue le fils d'Aude Goni Goubert. Oui, c'est vrai, tu joues le fils de. On n'a pas beaucoup d'écart. Il y a un autre sketch, j'ai oublié parce que c'est quelqu'un qui a vraiment fait un passage éclair Golden, et à un moment il y avait une blague où c'était genre, regardez le gosse là-bas. Et c'est, il fallait un enfant, et vraiment, c'est joué par un gars qui a 27 c'est ans. McFly, non, mais, McFly qui a non, mais oui, le même âge. Et c'est un gars qui est habillé en enfant et qui joue avec un ballon. Et donc, tu te dis, ah, la blague, c'est que c'est un gars déguisé en enfant, mais non, c'est censé être vraiment okay. un enfant. Ouais. Ça n'a aucun sens. Non, mais le sketch avec Hall, je me souviens, non, mais on va te raser, ça marchera. Je suis pas sûr que ça suffise. Ouais, c'est toujours un peu cringe. Mais par contre, toi, t'as une actrice. C'est drôle parce qu'on en a, tu sais, qu'on en a beaucoup parlé dans le Floodcast de cette actrice, parce qu'il y a Juliette Gasquet. Et on en avait parlé parce qu'on avait eu Pierre Ninet et Géraldine Nakache pour parler de Fiasco, et c'est la jeune fille de Fiasco, et elle est trop forte. Elle est trop forte. Super actrice. Bah elle a 18 ans et elle est incroyable. Elle joue trop bien, et puis c'est une humaine trop marrante, trop sympa, trop bien dans ses baskets. Donc non, vraiment. Et puis elle gère aussi bien la comédie que le drame. Parce que c'est ça qui est dur dans ton film. Parce que tu dis que tu fais des blagues sur la mort, mais c'est pas du tout un film. Trash, quoi. On n'est pas sur un Jérémy Ferrari là. C'est plutôt sentimental, c'est plutôt. Ouais, c'est plutôt feel good. Voilà, quand même. C'est ça. Ouais. Vous en parlez sans surdramatiser. Non. Mais c'est pas non plus des blagues sur la mort, quoi. C'est non, on essaie d'être ni trop potache, ni trop drama, quoi. On essaie, voilà, de pouvoir pleurer et rire en même temps, de morver dans ton rire, quoi. Voilà. C'est un peu l'objectif. C'est du ce film. Que je préfère au cinéma. C'est moi vraiment aussi. Tout ce que j'essaye de moi faire. Donc, non, vraiment. Bravo. Ouais. Bravo. Il y a aussi Hélène Vincent qui est exceptionnelle dans le film. Hélène Vincent. À l'époque, moi, Bernie, quelque chose, bien sûr. Pierre Lottin, évidemment. Ça, c'est on cool. On ne présente plus Pierre Lottin. Bien sûr. T'as dû être content quand même quand Fanfare cartonne un peu. Bah là, j'avoue qu'il y a la petite. Pas con. Ouais, pas con la sortie après Fanfare. Pas mal, ça. Merci, pas mal. Merci Emmanuel Courcol. Ouais, je vais pas vous mentir. Bah là, on surfe sur cette petite vague. Enfin, on a, voilà, il y a plein de choses positives. Il y a le film et tout. Mais la vague en Fanfare, elle est bienvenue, quoi. On va pas se mentir. C'est cool. On va continuer le jeu. Je vous propose deux combattants de MMA. Combattante. Combattant E, enfin non, combattant S. Combattant. Combattant. Ouais. De MMA ont été exclus à vie de la compétition. À votre avis, pour quelle raison? C'est quelque chose qui s'est passé dans l'octogone? Exactement. T'as tout de suite des questions hyper. Ah bah c'est un habitué de la maison. Ça se voit de ouf. Parce que nous on était où il y a 10 ans? Il y a des grands blancs dans mon cerveau. Parce que nous on était où il y a 10 ans? Attends, déjà là. Je sais. Je suis un inspecteur. Du coup, j'ai pas écouté ta réponse. Oui, ça s'est passé dans l'octogone. Ça s'est passé dans l'octogone. Exclu de l'UFC ou d'une autre organisation? Je sais pas du tout. Est-ce qu'ils ont montré leur tub? Non, ils n'ont pas montré leur tub. Ah, ça a cassé l'ambiance. Je suis désolé, ils n'ont pas montré leur tub. Quelque chose qu'ils ont dit? Pas qu'ils ont dit. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils avaient prévu tous les deux? De faire. Tout à fait. Ah! Tout à fait. Ah, dans un match. Ils sont embrassés. Non, ils sont pas embrassés. Ils se sont dit, eh viens, à un moment, on fait ça, quoi. Avant. Ils se sont dit. Exactement. Donc c'est un truc coordonné, quoi. Coordonné. Okay. T'as ah, ils ont genre. C'est un truc de révolte, ça. C'est un truc, genre, pour dénoncer quelque chose. Non. Non, ce serait beau, hein. Est-ce mais, que, c'est genre, pas ils ça ont, du tout. Ils ont arrêté de. Ils ont refusé de combattre, quoi. Ils ont rien fait. Ils non, ont pris ça. Du poids, ils étaient pas à la peser. Oh non, c'est pas ça. Okay. C'est pas ça. Non, c'est vraiment un truc qu'ils ont fait pendant le combat, quoi. C'est ça. En fait, il y a un truc qui est pas ce que vous imaginez, qui vous donnerait tout de suite la solution. C'est-à-dire que je vous dis que c'est deux combattants de MMA. Je vous dis pas forcément que c'est deux combattants qui se sont affrontés. Ah oui. Oh. Yeah. Ah, ils ont parié. C'est un truc de pari. Pas un truc de pari. Genre, tu fais exprès de perdre. Et... Ah non, c'est pas un combat organisé. Parce qu'il y a eu ça en NBA. Ils sont en couple et. Ils sont pas en couple, mais ils ont un lien. Ils sont frères. Oui. Okay. Et alors, tu t'approches. Ah, ils sont jumeaux. Et donc, ils ont envoyé son frère à sa place. Attends, c'est un truc de dessin animé, quoi. Ils ont c'est triché. Ouf. Non, alors la fin est un truc de dessin animé. Écoute bien comment ils se sont fait griller. Bah, il a peint une porte dans un mur et il est ouverte et il est sorti. Ça, c'est un truc de dessin animé. Le combattant amateur a tout d'abord remporté ses deux premiers combats en s'imposant notamment au point à l'issue des trois rounds en demi-finale. Mais deux heures plus tard. C'est son frère jumeau, également combattant MMA, qui est entré à sa place dans l'octogone. Ah oui. Attends, le mec, il avait programmé deux combats dans la même journée. Remplacé. Mais t'as dit 3 heures après. Trois rounds. Non, trois rounds plus tard. Ouais, ah ouais. Ouais. Personne n'a rien vu. Ouais. Tu vas voir comment ils l'ont vu, c'est hilarant. Il y en a un qui avait un cocard et l'autre il est revenu tout propre avec une teinture. Cicatrice très vite. J'ai mis de la glace. Mais dites-vous que l'entourloupe a bien fonctionné. Les deux frangins ont fini par être démasqués à cause, et là c'est terrible, des tatouages d'un des deux frères qu'il a sur son torse. Oh là là, mais c'est nul, mais ils sont cons, ils sont américains. Bah écoute, effectivement. Bah oui. À l'issue du combat, l'entraîneur a d'ailleurs tenté de dissimuler le tatouage au niveau du cœur en posant une serviette sur son épaule, mais la combine a été découverte par les regards. Il a combattu avec la main sur le torse comme ça. Mais on dirait un sketch vraiment avec Steve Carell, quoi. Après, ceci dit, c'est pas parce que c'est ton frère jumeau qu'il sait forcément se battre. Bah, ah, ils sont tous les deux. Ouais, j'espère. Okay. Le mec, non, il est comptable. C'est... Ouais, c'est ça, c'est ouais, je veux bien, mec. Mais... Je me dis, hey, comme t'es ça mon sera frère, un bon film en vrai. Ça. Comme t'es mon frère, j'irai quand même. Je suis crevé, gars, tu veux pas y aller? Bah, ouais, ouais. Je me suis jamais battu, mais je vais tenter. Vas-y, je te file 20 balles, hein, Ken. Il est fort le mec en face. Ouais, pose pas de questions. Une chips a été vendue 82 000 euros. Donc déjà, bien sûr que c'est énervant. À votre avis, quelle est la particularité de cette chips? C'est pas la chips qui pique le plus au monde là? Ah non. Ah, le Flaming Hot Cheeto. Le truc que les gens ils prennent après ils vont à l'hôpital. Ouais, oui, j'ai entendu. Alors c'est un Flaming Hot Cheeto, mais c'est pas lié à... C'est le tout premier qui a été créé. Non, ce n'est pas tout le premier qui a été créé. C'est une chips qui appartient à quelqu'un de connu. Non. Qui a été léché par quelqu'un de connu. Non. Qui a été qui n'a pas été mangé par quelqu'un de connu. Genre, ah, alors qu'elle est dans le paquet. Non, mais tu sais, genre, en loge, elle avait un bol de chips, elle en a laissé une, genre Taylor Swift. Ouais. Et ils ont dit, ah, c'est la chips qu'elle a pas mangé. Non, ce n'est pas ça. Ok. Mais belle histoire. Genre, il y a un Pixar autour de cette chips. Est-ce que c'est la première chips de l'humanité? Non. Et c'était une Flaming Hot Cheeto, quoi. Celle que Lucie a mangée à l'époque. Ah oui. Et on a pris l'ADN de cette chips pour faire les autres. Jurassic Park. On l'a croisé avec l'ADN de grenouille. Alors non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est celle qui a été utilisée dans le film sur les Flaming Hot Cheeto? Parce qu'il y a un film sur la création. Ah oui, il est produit par Eva Longoria, j'ai vu, en plus sur Disney Plus. Qui est vraiment nul. Ah ouais, j'ai pas vu. Parce que moi j'adore les films les chips. Moi j'adore les chips, alors il y a un film sur ça. C'est vrai que j'adore les chips. Mais c'est pas pour ça. Moi j'adore les chips de le film sur le Blackberry ou tout ça. Genre sur McDo, quoi. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que peut avoir de particulier une chips? Donc, c'est pas le Ne périme pas. C'est la chips de Jésus. Non. Là, c'est une chips. C'est le titre de l'épisode, hein, la chips de Jésus. C'est un arôme, un truc comme ça. C'est pas lié à l'arôme. Ouais. C'est le. Vous aimez les arômes un peu chelous des chips d'ailleurs? J'adore. Non. Ah ouais, non, toi pas. C'est Lay's, là, ils font un truc chelou, non? Il y en a vraiment. C'est Brett, les champions. C'est quoi, toi, que bizarre que t'aimes bien? Non, en vrai, bizarre, non, j'en sais rien. Si, par exemple, Brett, ils font sauce pommes frites. Ah ouais, elles sont j'adore. C'est bon ça. Ouais. Parce que même des fois, pas tous les jours, bien sûr. C'est pas une chips quotidienne, tu vois. Non, mais là tu serais addict. On a pas envie de ça. Non, mais tu vois même des fois, ça a des goûts genre cheeseburger. Je comprends même pas ce que ça peut. Et y a, là, pas mal. Il y a cheese naan là, j'ai vu. Là. Ah ouais. C'est trouvé ça immonde, moi. Ouais. On peut pas dire des marques si. Oh, bien sûr. Oh là là. Tu vois, ils osent pas faire tout genre citron. Ouais. Des trucs vraiment chelous. Non, mais le pire, c'est pastis. Ah oui. Brett, ils ont fait pastis. Ok. Oh, quel enfer. Ça peut faire dégueuler. Mais surtout, moi, j'ai. C'est vous avez de la curiosité, goût. Vous non, non, ouais, pas c'est du tout. Ça. Tu vois, moi, je dis, j'aime les paysannes un peu. On dit en relief, là. Craquelé, là. Ce ne sera ça que jusqu'à la fin de mes temps. Il n'y aura pas de. Je ne vais pas aller m'aventurer dans vos bêtises, là. Même s'il y a, genre, le goût d'un de tes films préférés. Parce que là, ils sont partis pour. Goût Little Miss Sunshine. Bah, go. Non, mais bon, je vais te faire découvrir des chips quand même. Ah, mais par contre, ça, c'est mon rêve. Ah, bah voilà. En fait, c'est vraiment un truc plutôt de pince, de pas vouloir payer pour un truc que je vais pas aimer. En revanche, t'arrives avec un petit bol. Ah, oui, c'est vraiment une question de paiement, quoi. Non, mais aussi de gâcher. Après, t'es pas très curieux culinairement parlant. Mais quoi. Même en général, je me rends compte que je suis pas très curieux. Sauf en Cinoche. En Cinoche, je suis fou de curiosité. Et c'est marrant parce que je me suis rendu compte qu'on était à l'opposé. Ah merde. Genre, non, mais là-dessus. Vous allez arrêter le podcast maintenant. Putain, on est venu dans le pire. C'est pour ça qu'on se s'embrouille devant nous. C'est la séparation, putain. C'est pour ça qu'on se complète. C'est moi, je m'intéresse à plein de trucs. Ouais. Et toi, t'es spécialisé très très fort dans. Je suis un peu un geekos d'un. Alors que moi, non. En fait, ça venait du constat que moi, il n'y a pas un domaine où je peux me dire, waouh, je suis vraiment très bon là-dedans, quoi. Ouais. Mais je m'intéresse à plusieurs trucs. Et toi, t'es vraiment. Le badminton. Badminton, vous me lancez sur le badminton. C'est ton jardin secret. J'ai tout sur le badminton. Mais bon, reviens à cette satanée chips. C'est pas lié au goût, c'est pas lié à l'âge. Qu'est-ce qu'elle peut avoir de particulier? La forme. Ah. On s'approche. Elle a la forme de Jésus. Non, une forme de quelque chose, de truc qui valent cher également. De diamant. Ça peut énerver Adrien. Un petit indice. Est-ce qu'elle a pas la forme d'un Bitcoin? Non. La forme d'une maison. D'un dollar. Elle a la forme d'un dollar. Pas d'un dollar. Non, mais maison à taille. Genre, on peut vivre dans la chips. Là, ça vaudrait le coup. Là, ça m'intéresse. Déjà, c'est une vidéo d'Amixem. Je vis dans une chips pendant 24 heures. Non, c'est. La forme. Qu'est-ce qui, en ce moment, dans le monde un peu de la spéculation et tout, qu'est-ce qui vaut de l'argent? Ah, les Pokémon. Ah putain, en Pikachu. Elle a une forme de Pikachu. Il est vénère, elle est vénère. J'adore. Il est hyper vénère. Ça, c'est mon Adri, ça. Genre, arrêtez avec les Pokémon là. Vous avez 30 ans passés là. Arrêtez. C'est ridicule. Alors, moi, j'ai voulu vraiment acheter une Game Boy sur ma tournée là pour jouer aux Pokémon et non, j'étais mais... obsessionnel. Alors, c'est d'accord. Fait, non, attention, ouais, attention. Attention. Ça, très bien. Attention. Moi, c'est la spéculation sur les cartes Pokémon, okay. Ça me rend fou. Ok. Moi, j'ai tout jeté les cartes. Et moi, le truc en ligne. T'as acheté les cartes. Mais je sais pas. Ma mère, elle achetait tout quand j'étais petite et je sais pas. Mais je sais, on me l'a dit tout le temps. Le budget de ton film, en vrai de vrai. Tu le sais, mais vraiment. Écoutez, j'ai pas besoin de financier, j'ai les cartes Pokémon. Non, mais là, il y a le truc. Alors là, je vais être boomer 2000, je le sens. Ouais. Mais bon. Sur téléphone, là. Mm. Ça, je comprends pas trop. Sur téléphone. Bah, en fait, tu peux ouvrir des cartes Pokémon sur téléphone et t'as une collection. Voilà, et t'as une collection du coup numérique. Mais moi, je ne vois que de l'arnaque dans ça. Je peux pas imaginer que ce soit autre chose que de l'arnaque. Que... Et surtout, je n'arrive pas à imaginer prendre du plaisir. Ouais. Tu t'appuies sur un truc, il y a des cartes qui apparaissent. Ah. Super, quoi. Ah, parce que moi, je peux comprendre la belle carte, le bel objet. Oui, ça, je peux comprendre. Je fais, ah, elle est brillante, j'aime bien. Mais alors, moi, je vais jeter un pavé dans la mare. Oh là, attendez, mettez des cahouets. C'est moche, les cartes Pokémon, c'est moche. Ah, il a jeté un gros pavé dans la mare. Oh là là. Waouh. Waouh, je suis désolé. Quand je vois les gens qui disent, oh, celle-là, regardez, elle est belle. Non. Alicenia, vous êtes lié à un scandale. Moi, je suis, ouais, là, on est dans un gate, c'est le Pokémon Gate. Très, j'avoue, très j'achète des fois des trucs cons comme ça, moi. Genre là, il y a pas longtemps, j'ai acheté, je vais vous le dire. Non, mais. Je mec. Vais le dire. Non, non, mais dis-le. J'ai acheté un froc. Dis-le, Alain. Pour mon personnage. De Snapchat. J'ai dit, gars, non, mais j'ai ça... dit, ah, c'est que 1 euro. En plus, il me va bien ce froc. Franchement. Mais c'est ouf, ça veut dire que t'as vraiment. T'as un avatar et tu le crées vraiment. Je me suis dit, ah, il est bien coupé ce. Je l'ai essayé sur mon avatar. J'ai dit, ok, 1 balle, vas-y, ça vaut le coup, genre. Ouais, mais bon. Donc t'es dans la team Snapchat, putain. Moi, j'ai même pas Snapchat. Le retour de Snapchat, je l'avais pas vu venir, ça. Ouais, c'est fou. Mais là, c'est la Gen Z, le retour de tout, en fait. C'est-à-dire que les gens mettent des casquettes Van Dutch et sont habillés mal et jouent au Pokémon et c'est très bizarre. Tu décris un youtubeur là. S'habille mal et joue au Pokémon. Bah oui, mais c'était fou. Oui, mais si c'est un youtubeur, il s'habille mal avec des trucs très chers. Oui. Voilà, très chers. Vous n'étiez pas dans les cartes bon, à toi, fond. Mais pareil. Toi, c'était Magic. Non, mais non. Non, j'ai jamais joué. Magic, j'ai joué il y a quelques mois pour la première fois de ma vie. Ah putain, tu vois. J'ai bien aimé. Ouais. C'est bien. Mais non, mais moi, c'est pareil, c'est générationnel. Ouais. Pokémon, j'étais déjà un peu vieux quoi. DBZ, non ? Les cartes DBZ, il y a eu avant ça. Non, les cartes NBA, moi. Les cartes NBA. Et pas les POG. L'époque, j'y ai joué un peu quand j'étais en primaire. Quoi. Ouais, les Panini. Non, mais moi, aussi, les cartes, c'était les cartes NBA par contre. D'accord, là, j'ai toujours ma collection de quand j'avais 12 ans. Quoi. Moi, les cartes Pokémon, je trouvais ça fou. Genre, les échanges, les trucs. Je me rappelle, moi, j'avais un truc assez rare. Il y a des mecs d'une autre école qui étaient venus me dire, c'est toi qui as un Raichu. Qui t'ont raté, quoi. Non, mais ils m'ont dit. T'ont menacé. Non, mais genre un peu ça. Genre en mode, on peut le voir. J'aurais montré, c'était en mode, ok. Je peux aller faire un tour avec. Juste fais un tour, je reviens. Là, ils étaient plus en mode, genre, on reviendra demain avec un Dracaufeu pour voir si on peut l'échanger. Mais tu jouais ou pas? Tu jouais ou c'était non, juste de la collection? Personne jouait, je crois. Enfin, moi, en plus, c'était compliqué. Ouais, bah, tu sais, il y a des points de vie, des trucs. Ah, tu pouvais jouer avec des cartes. Ouais. C'était c'est juste une monnaie d'échange, en fait. Non, c'est ça qu'il y avait aussi des cartes énergie, des trucs. Et nous, on voulait que le Pokémon. On voulait collectionner. Ouais, en fait, c'est le génie de Pokémon, c'est que leur slogan, c'était attraper les tous. Donc, du coup, tu les voulais tous. Ensemble pour la victoire. Moi, une époque. Et je vais vous dire, ça m'a aidé à pécho ce que je vais vous raconter. Je connaissais le poké rap. Ah oui. Dans c'est l'ordre. Quoi, le alors, à la fin des épisodes. À la fin du dessin animé. Après, je sais que c'est toi la caution rap autour de la table, Alice. Je sais pas si ça fait. Non, mais là, il enlève sa veste carrément. T'as dit rap, il enlève son sweat. Non, mais à la fin de chaque épisode, il y avait le poké rap. Et c'était pas du rap du tout. C'était juste deux mecs qui disaient des noms de Pokémon. Ça fait Dracaufeu, Raichu, Pikachu. Pana. Et ils disaient tous les noms comme ça. Et c'était un peu gênant. C'est eux se l'enfoirer en fait. Et moi, je le connaissais dans l'ordre. Machin, Rondoudou. Et alors, t'as pécho avec et ça. Et bah ça mec, non, comment tu crois que la petite Joanne est arrivée sur cette terre? Oui, parce que c'était il y a pas si longtemps. Est-ce que vous avez, alors oui, donc je vais au bout de cette histoire dont on se branle, hein, mais bon, j'y vais quand même. C'est une... en fait, effectivement, ça a une forme de Dracaufeu, cette petite chips. Oh, d'accord, ouais. Flamin' Hot Cheeto. Ouais, bah évidemment que ça m'énerve. Et donc, évidemment que ça m'énerve. Et donc du coup, 82 000 euros, elle a été découverte et préservée entre 2018 et 2022 par First and Gold Collectibles, une boutique d'objets rares dans Géorgie, aux États-Unis, avant que sa cote de popularité n'explose sur les réseaux sociaux en fin d'année, évidemment aidée par le retour en grâce des collectionneurs de cartes. Voilà. Tu sais quoi, j'ai un nouveau rêve dans ma vie, c'est de rencontrer la personne qui l'a acheté et de dire ah, je peux voir la chip et faire l'écraser sous ses yeux. C'est très méchant. La manger. L'écraser. Vraiment, on le regarde dans nos yeux comme ça. Tiens, voilà. 80 000 balles. Allez. Et après, je l'aspire avec un aspirateur comme ça. Avec un Dyson. Ah, quand même, tu respectes. Ça, j'aime bien. Tu laisses pas Parce que ça disparaît, quoi. Donc ouais, Pokémon, vous avez d'autres collections comme ça, des trucs. Moi, DBZ, c'était presque plus que Pokémon, hein, en vrai de vrai. Parce qu'elles étaient vraiment très très belles, les cartes de Dragon Ball Z. Non, moi j'étais, je collectionnais les trucs des To Be Free. Ah, les, mais oui, c'est vrai que t'es fan. J'avais la couette, ce qui est bizarre, hein, quand t'es la une enfant. Couette. Attends, mais alors du coup, il y a quoi sur la couette? Bah, il y a trois gars torse nu. Et tes parents te l'achètent, donc. Et t'as 8 ans, quoi. Ouais, et tu dors avec des trois hommes nus. C'est très chelou quand tu penses. Incroyable. J'avais la lampe. J'avais des trucs, ma chambre c'est était. C'est génial. Mais c'est fou. Ouais, ouais, j'étais fan. Mais, ça, mais j'étais amoureuse en fait, vraiment de bah, celui qui est mort, Philippe. Eric. Philippe, bien sûr. Je pense à lui fort. Évidemment. Mais je l'aimais beaucoup, je pensais vraiment que je pouvais le rencontrer, tout ça. Voilà, c'est tu mes premiers série. Émois. Est-ce qu'il y avait une série à Je crois moment. Qu'il y avait une série. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai pas de genre souvenir. Genre AB Productions, ils ont refait un truc. Ouais, ouais, ouais, ouais bien sûr. Ils devaient sûrement faire de la muscu beaucoup et s'entraîner pour leur concert. Faire le truc sur une main, là, avec la jambe en l'air. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, ton film devait s'appeler Partir un jour. Mon film devait s'appeler Partir un jour, mais il y a eu un autre film qui s'appelle Partir un jour. Qui va sortir l'année prochaine et qui va être super, je crois. Ouais. Donc, on a changé notre titre. Mais pourtant, vous étiez en prums. Ouais, mais bon, on a mis trop de temps à financer le film et puis on est gentil. Et puis, il est beau le titre, on ira. Voilà. Il est beau aussi, tu vois. Puis, on peut tous deux, exister. Deux chansons. Mais il y a une petite cassette, il y a une petite cassette des Oui, il y a un petit clin d'œil, un petit clin d'œil à, film, ouais. au trio. Et ils font une série, je crois, Amazon, ils font une série. Oui, bah, la suite culte. Bah, c'est pas vraiment la suite, mais oui, c'est un peu le même. Si, je crois que c'est la saison 2. Enfin, si, c'est dans le même univers. Oui, c'est ça. Non, mais c'est. Je crois que c'est une saison, un. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est oui. culte des anthologies. La saison 1 c'est Love Story. Ah j'avais pas compris 2, moi je croyais que culte c'était le Loft et puis ah, voilà. Moi aussi j'ai compris ça. Okay. Non, je, ouais. D'accord. Bah il est expert Prime Vidéo. Ah non pas du tout. Merde ils m'ont cramé. Je suis en promo. Il paraît que c'est super en fait dis ça. Et donc ouais toi Anis donc un peu de Pokémon. Ouais moi j'avoue je crois que c'était que Pokémon. Après moi j'étais spécialiste de l'inverse genre tu sais tu vois une pub en mode le numéro 1 le fascicule chez ton marchand de journaux j'avais tous les numéros 1 frère. Ah ouais bien sûr. J'arrivais jamais à pousser le délire parce qu'après fallait t'abonner. Non mais surtout bah oui, c'était une arnaque. Bah oui. Le prix quintuplé surtout. Ouais, bah oui, oui, numéro oui. 1 1,99€, numéro 2 12€. Ouais, mais c'est le pire. Bah oui, c'est une arnaque. Bah oui, c'est faux. Bah oui, ouais, c'est pas vrai. J'arrive de casser tes rêves t'imagines, tu vois. C'est pas des rêves ça, oui. ça lui a ruiné sa vie. Non mais c'est vrai que c'était malin parce que tu vois genre le premier, il a 2€, tu te dis ah, c'est accessible et tout et t'achètes le truc. La deuxième pièce c'est un système pyramidal. Ouais, mais moi j'étais allé jusqu'au 3e numéro et au bout d'un moment le libraire m'a dit "Maintenant, faut s'abonner et on reçoit plus après 3". Je dis ah l'arnaque. Libraire complice. Ouais. Et moi s'abonner, fallait que j'en parle à ma famille, c'était mort. Ah ouais. Moi, c'était déjà avec mon argent de poche, je faisais n'importe quoi, j'achetais parce que quand je vous dis les numéros 1, c'était tout hein, genre apprendre la calligraphie. Le fascicule et j'étais là en mode aux éditions Altaïa. J'ai tout tenté. Même les trucs de parce que moi quand même j'avais le truc de ça c'est sûr c'est une arnaque construire l'équivalent de la fusée Ariane et ça t'a fait Oh la vache. J'ai tout tenté moi. Mais pareil genre le corps humain, le corps humain j'ai arrêté le ouais voilà. Ouais. J'ai les réacteurs là. Si quelqu'un veut des réacteurs ou le numéro 1 de la calligraphie, vous me regardez. Ça vaut cher hein, ça maintenant ça vaut cher. À mon avis ouais sur le bon coin tu peux faire plaisir je pense. Il y a des youtubeurs qui font des unboxings de ça. En Indonésie, un nouveau métier insolite est né. Alors, à votre avis, lequel ? Vous pouvez poser évidemment plein de questions. C'est un service ? C'est un service qu'on offre aux gens, à la personne. Est-ce que c'est lié à la modernité de l'époque, Internet ? Exactement, au téléphone portable, aux montres connectées, à tout ça. Voilà. C'est quelqu'un qui envoie un mail programmé à ta place ? Ah, faut que j'aille vivre là-bas. Est-ce que c'est quelqu'un qui marche avec ton Apple Watch pour que t'aies les pas ? Alors, quasi. Ah ouais, c'est quasi ça. Franchement, il l'a, mais ah, c'est... mais c'est pas un truc avec Strava ou je sais pas quoi. J'ai entendu parler de ça. Ah, il court à ta place. Il court à ta place. C'est exactement. Ouais. Oh, c'est dingue. C'est... Mais quel intérêt. Oh là là, il devient fou. Ouais. Ce nouveau type de job qui pourrait sembler insolite. Oui, effectivement. Oui, un peu, ouais. Attire ridicule le mot, hein. Enfin, pour les gens qui payent pour ça, quoi. Oui, c'est ça, parce que je pense que les autres, c'est juste pour se faire de la thune. Mais bah, les jeunes en quête de revenus supplémentaires. Oui. Un adolescent de 17 ans est l'un de ces. Ah non, je blâme pas les gens évidemment, qui prennent de l'argent. Je sais bien. À des cons. Des riches, ouais. On les appelle les jockeys de Strava. Qui est le nom du film aussi qui sera adapté à cette histoire. pour environ. Les jockeys de Strava. Jockeys de Strava avec Pierre Ninet. En fait, c'est comme une sorte de taxi ou de Uber. Tu payes 72 centimes d'euros le kilomètre pour avoir une allure rapide, donc pace 4. Et tu peux passer en pace 8, un kilomètre en 8 minutes. Et là, en l'occurrence, tu payes un petit peu moins cher, quoi. Donc, c'est choisi la vitesse. Faire genre, t'es sportif, quoi. En fait, tu sais, sur Strava, tu fais des petits trucs. Donc, on peut t'envoyer des kudos. Oui, c'est ça, pour qu'on te dise, oh, t'as bien, tu fais du sport, c'est cool. Mais quelqu'un d'autre le fait à ta place. Bien sûr. Mais qui est-ce? C'est étonnant. Putain, mais il y a quelque chose à gagner sur ce travail Des kudos, on appelle ça. Donc c'est genre des espèces de qui bravo, like, des likes, ouais, c'est des encouragements. Quoi. Parce que j'ai lu que Strava devenait un grand endroit de rencontre, de dating. Mais donc faut y aller quand même, faut courir. Enfin, il y a des groupes. Ah bah oui, c'est. Il y a pas un réseau social, je veux dire. Ouais, non. Bah, bah un peu, il y a un côté. D'ailleurs, je veux dire, je reçois une fois tous les 6 mois une demande de me suivre sur Strava. Je ne cours pas, hein. Arrêtez, ça sert à rien. Si, si, parce qu'en fait, tu peux partager tes. C'est ce que font les gens, ils partagent leurs courses, tu vois. Okay. Donc ouais. En gros, ils font. Ça, par contre, j'ai toujours trouvé ça très bizarre de partager la carte. Oui. Tu peux voir exactement où les gens habitent, plus ou moins. Sur ce qu'a failli perdre Macron. Oui, c'est vrai. Le Strava, c'est. On en avait parlé. C'est garde du corps. Ouais, voilà. Ok, ils l'ont partagé. Du coup, tu voyais l'hôtel quoi. Okay. Si tu savais qui était le garde du corps de Macron, tu savais où était Macron tout le temps parce que les cours de. Il courait, il partait de l'hôtel. Donc il suffit de voir d'où ça part, d'où ça revient. Et moi, tu j'aime sais bien où les gens qui font des formes sur les cartes là. Oui, ouais, des tubs. La plupart du temps, des tubs. Je voulais pas le dire. Mais voilà, je voulais pas. Ouais, être un peu classe. T'es à la maison. Ceux qui font des tubs, j'ai un grand respect pour eux. Je viens de voir un gars qui a fait un perso qui danse. Un Pokémon. Genre, et d'abord, il fait un signe. Ensuite, il se décale le gars, il revient. Ouais. Il bouge les bras, mais en fait, je viens de comprendre que tu sais c'est ce que lui qui a couru. C'était Adrien Méniel. Mais okay, c'est dingue, c'est pour se la jouer sur les réseaux sociaux. Quoi. C'est fou. Moi, déjà, j'avais entendu parler de gens quand ils faisaient pas leurs 10 000 pas parce qu'ils prenaient l'avion dans la journée, ils agitaient leurs bras d'avant en arrière parce que du coup, la montre croyait que tu faisais des pas okay. Et du coup, ils faisaient leurs 10 000 pas alors qu'en vrai, ils étaient assis dans l'avion. Bah, quoi. Ouais. Mais. Pourquoi à part le côté genre OCD de se dire j'ai pas mis les 10 000 pas. Juste en faisant ce geste là par exemple. Il vient de mimer une branlette, je précise. Ouais, t'étais pas loin non plus. Annie, c'est à 40 000 pas par jour. Yes. Je vais hâte de partager ça sur Strava. Vous faites quoi vous dans la vie pour vous sentir mieux? Est-ce que voilà. Vous. Il y a eu un hola de la part d'Annie. Non, mais est-ce que vous méditez? Est-ce que vous. J'essaye. T'as une époque, t'étais petit bonbon un peu. Pas peu petit bonbon, mais une appli similaire. Headspace. Mais oui, mais en fait, je suis toujours abonné et je m'en sers très rarement, mais j'aimerais bien. Arrêtez de m'emmerder. Non, j'aimerais bien réussir à avoir l'habitude de le faire tous les jours, mais j'y arrive pas. Ouais, bah, faut trouver du temps déjà. Ben non, moi je joue au basket en vrai, ouais, ça vrai. Marche. Le sport, c'est vrai que ça marche. Ouais, le sport, ça marche. Ouais. Oui, t'es sportive aussi, Enya. Écoute, oui, j'essaye. Moi, je fais du sport vraiment pas pour faire du sport, c'est parce que je suis anxieuse et que ça me fait du bien. Pareil, moi, c'est vraiment. Je suis très anxieuse donc. Tu fais beaucoup de sport. Ouais, mais non, mais dans les où j'ai pas le temps de faire du sport, c'est horrible, je sais pas quoi faire en fait. Ouais. Mais tu vois, je respire mal et tout. Ah ouais. Ça, la meuf se confie, genre. Ça va pas du tout en fait. Non, tu mais fais quoi comme sport? Bah, je sais pas, je. On dirait que je fais rien en fait. Ouais. Non, c'est vrai qu'on dirait que tu mens pas. Non, mais je fais du sport chez moi. Mais tu peux pas le faire quand tu taffes et tout. Bah, non, mais après là, parce que là, c'est une période intense. Mais sinon, si, en vrai. C'est impossible. Donc tu fais squat, les tournées, je me lève à 6h du matin quoi. T'es pas là avec ta corde à sauter. Non, mais non, là, pendant la tournée, j'étais dans des hôtels le matin, il y avait des salles de sport. Du coup, je faisais genre du cardio. Ah, tu vois, bien, juste histoire de suer un peu. Bah quoi. Oui, tu pas mal. Pas de salle de sport, moi, sur ma tournée d'avant. Ouais, c'est des Mercure, Hôtel Mercure. Hôtel Mercure, il y a toujours les salles de sport. Ah non, c'est pas bon, rien, là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Merde. Non, c'était qui, ma distributeur? Donc, oui, donc sport quoi. Ouais, sport, ça aide. Sport, respirer, cohérence cardiaque. Moi, courir, moi, j'aime bien. Courir, ça m'a vraiment fait ça. Moi, ça m'a vraiment fait un truc de. Je l'ai fait pour maigrir. Ouais. Pas marcher de ouf, mais par contre je me sens mieux dans ma tête. Vraiment. Bah oui, bah bien sûr. Dès que je suis un peu agacé, un peu tendu et tout, je crois que c'est vrai que c'est fou à quel point. Et tu cours dans Paris donc. Non, sur un tapis. Ouais. Sur un tapis. Non. Moi je sais pas. Non, parce que ça m'énerve un peu d'être arrêté, empêché. Ouais. Ça vraiment, ça peut me rendre vite fou. C'est pollué quoi. C'est ça. Et puis je peux pas être un de ces mecs qui court au feu rouge. Ça c'est ma limite. Ça m'agace un peu trop. Malheureusement, je peux pas. Et maintenant je comprends. Maintenant que je cours, je comprends pourquoi il s'arrête pas. Il y a un peu un truc effectivement de redémarrer, c'est relou. Mais du coup, c'est quand même ridicule. Je trouve que c'est du coup un effort en plus que tu vois. Du coup, ça devient un exercice de redémarrer. Oui, mais vaut mieux être un effort en plus qu'un effort en moins et se relancer. Tu vois ce que je veux dire? Oh là, ouais, je suis d'accord. Moi, en fait, ça fait s'il plus. S'arrête et qu'il se relance, ça le fatigue plus que continuer cet oui, effort justement. Plus dur. Mais le but, c'est de faire un effort quand tu cours. Ouais, mais dans la l'arrêt, ouais, il mais est y dur. A un truc dans le rythme de, tu vois, de comment de cardio ou. Ouais, mais justement, je trouve que ça devient un exercice supplémentaire. Ouais, le c'est truc dur. De, c'est dur. Même mental. Parce que de redémarrer. Et en plus, t'es avec la musique et tout. S'arrêter, c'est dur. Franchement, s'arrêter, c'est dur. Mais ouais. Adrien, je pense si le gars se fait renverser, il va dire, un exercice supplémentaire. Essaye de relever. La jambe cassée, mon pote. Alors, dans squat. alors, j'ai une histoire et alors là, vas-y. Me faire manger aussi. Et aussi, j'ai découvert la drogue aussi. C'est vrai? Mais quelle drogue? Les gummies au THC là. Okay. C'est génial ce truc. c'est trop bien. Et, je suis sûr que c'est bien. Le crack, t'as pas aimé. Non, non, non. C'est, il y a des gens qui, font de, du micro-dosing de champi aussi parce qu'ils sont anxieux. Ah ouais. Paraît-il. Ah ouais, ouais. Ah non, moi c'est. Et faire moi, la bouffe, peur, je crois que c'est pas mal. Faire la bouffe et bouffer son le truc que t'as fait, il y a vraiment un truc. Bah, quand tu sais le faire, c'est chambé. Je crois que tu déconnectes, c'est pas mal. Je sais pas faire à manger. Ouais, en fait, on veut qu'Adrien nous cuisine. On sait pas comment les gérer. Moi j'adore aider. Ouais. Parce que en fait, je suis nul. Ouais, ouais. Tu sais, qu'on me dit, ouais, coupe les carottes. Ouais. Mais moi je panique, moi je me dis, est-ce que tu veux que je les coupe en lamelles, en rond? Enfin, j'ai toujours peur de mal faire, tu vois. Moi c'est juste le faire tout seul. Je sais que ça va être décevant le résultat, donc je ne peux pas aimer cuisiner. Si j'étais persuadé d'être bon, je pense que j'adorerais ça. Mais vu que je suis... C'est pas bien de manger. En fait, c'est pas agréable de manger ce que t'as fait toi. Ah, non, mais... lui il adore. Ah, moi, c'est, justement, c'est du self-care quoi. Pour moi, c'est le self-care ultime quoi. Après, vraiment, tu te nourris, tu te fais plaisir en faisant à bouffer, et après, tu te fais plaisir quand c'est réussi. À bouffer truc. Il y a une espèce de une boucle, de cercle vertueux de fou, quoi. Moi, je trouve que ça a toujours plus de goût quand quelqu'un te le fait. Quand tu le fais, t'es un peu saoulé parce que tu vois les aliments avant. C'est un peu redondant. Ah, mais je vois ce qu'elle veut dire. Il y a un truc, même. Tu vois, tu l'as fait, donc c'est pas la même chose. T'as vu ce poulet tout blanc, tout. Ouais, tu vois, exactement. Ouais, ouais, je vois, justement, tu vois le processus créatif, quoi. C'est comme, c'est comme faire un film, quoi. Tu vois quand t'avais juste une pauvre idée de merde et tout, tu vois tes V1 où tu fais ah c'était de la merde et tout. Puis oui, mais après, tu vois, il y a des films. Je préfère les films des autres. Oui, mais tu vois, quand je vois un film, j'ai pas envie de me dire ah oh, ils sont peut-être embrouillés sur le plateau. Ouais, tout, exactement. Pour aller dans ta métaphore. L'arrière-cuisine. Je veux dire, j'ai pas envie de voir la pop-up. Bah, tu regardes des making-of à fond et de t'adores certains, ça. De certains trucs, oui, mais pas de mais tout. Tu kiffes. Tu kiffes voir les making-of. Ouais, on s'est perdu en cette analogie. Alors permettez-moi d'être un énorme ringard, mais alors là, l'histoire que je vais vous raconter, on dirait un film. Je vais vous le dire. Un homme a gagné 500 000 euros au loto, sauf qu'il a pas joué. Mais pour le moment, ses gains sont bloqués. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il a pas joué, tu viens de le dire. Non. Quelqu'un a joué à sa place. Ok. Il a gagné 500 000 euros. Alors, attends. Quelqu'un a joué en son nom? Volontairement, quelqu'un a joué pour lui. Alors, pas en son nom et pas volontairement. Ah, quelqu'un c'est a fait une faute d'orthographe. Pas un homonyme. Quelqu'un a fait une faute d'orthographe à son nom. Pas une faute d'orthographe, pardon. Il a mis juste une initiale. Il n'a pas mis juste une initiale. Il a joué au loto, t'as tu mets pas ton. Oui, c'est vrai. Mais donc comment quelqu'un qui n'était pas destiné à gagner a pu gagner? C'est la il a perdu le billet et quelqu'un l'a trouvé? Non, mais on s'approche un petit peu. On est sur il l'a histoire. Dépouillé. Quelqu'un l'a mis sur. Il l'a volé son alors, ticket? Il n'a pas volé son ticket. Il a volé son ride shoe par contre. Non. Non, c'est une histoire de vol. Vous allez voir, c'est assez marrant. Il a volé son portefeuille et il avait le ticket dedans? Non. Mais il a volé un portefeuille. Ah, ok. Il y avait la pièce d'identité? Alors, entre autres, mais. Ouais. Il y avait l'argent. Ah, avec l'argent, il a joué de l'argent volé. Et du coup, wow. Attends, quoi? En fait, il a payé son ticket de loto avec de l'argent volé. Exactement. Mais comment ils ont retrouvé ça? Alors, tu vas voir. Qui va pouvoir toucher les 500 000 euros? C'est ça le nom de l'article. 50-50. C'est la question que se pose un homme, employé municipal, qui a vu sa voiture braquée par deux SDF, donc qui ont volé son portefeuille. Et l'un d'eux a utilisé sa carte bancaire pour acheter un jeu à gratter. Donc il a la preuve sur son compte en banque et ah, tout. Ah oui, c'est avec la carte bancaire. Avec la carte bancaire. Ah, mais. Donc ah, il a. En sans contact, quoi. En sans contact, j'imagine. Donc il a. Pardon, excusez-moi, on m'appelle. Hop là. Il a payé. Donc l'un des deux SDF a payé le ticket et a gagné. Un demi million d'euros, 500 000 euros. Après la plainte de la victime, la Française des Jeux a bloqué les gains en attendant la régularisation de la situation. Problème, le mec volé cherche activement ses voleurs en disant « Je vais rien vous faire, venez on fait 50-50 » et en fait bah, c'est des pauvres gens, c'est des SDF donc il les retrouve pas et il sait pas où ils sont. Et donc malheureusement t'as 30 jours. Mais les SDF sont même pas au courant de ça. Ils sont sûrement même pas au courant, tu vois. Oui, ils vivent leur petite life. Ils ont joué. Ah, ils ont joué. Mais, ah, bah, mais peut-être qu'ils sont pas au courant, c'est ça que je veux dire. Bah, pas comment tu veux qu'ils soient au courant qu'ils ont gagné? Mais ils ont joué, ils veulent gagner. Oui, ils veulent gagner, mais apparemment. Attends, ils sont pas au courant qu'ils ont gagné? Bah, on en sait rien. Mais en tout cas, ils sont pas venus. On n'arrive pas à les contacter. Et comment le mec qui s'est fait voler l'argent est au courant qu'ils ont gagné? Sa carte bancaire. C'est la carte. Ouais. En fait, lui, il est affilié au jeu, puisque c'est sa carte bancaire au mec. Il est affilié au jeu, on lui a dit. C'est un jeu à gratter, t'as dit? Non, c'est le loto. Ah, ok. Donc, un loto, quand c'est un demi-million d'euros, il te retrouve, hein, de savoir qui a joué. Ok, ok. Et il retrouve avec la carte bancaire qui a payé le truc? Bah, de toute façon, oui, j'imagine, oui. Ou en tout cas, mais peut-être qu'il faut mettre son nom, j'en sais rien. C'est pourquoi on dirait un film? Parce que c'est faux. Donc, bon, bah là, on fait un appel pour les retrouver, c'est ça? Impuissant, ouais. Je crois qu'il a déjà bien c'est fait le gars. C'est en France ou pas? C'est oui, en c'est en France. Impuissant et surtout pas rancunier, le propriétaire a alors lancé un appel aux SDF, effectivement, pour faire 50-50. Une offre en or pour les deux voleurs qui pourraient, s'ils ne se manifestent pas, ne jamais toucher un centime de leur gain. C'est ça, surtout. Attends, les mecs, ils ont joué, personne ils ont même pas gagné, regardé. En fait, ouais, et c'est ça. Terrible. Et c'est ça. Et en gros, mais peut-être qu'ils ont peur aussi. Peut-être qu'ils ont peur de ah bah du coup, on va nous retrouver. Parce que c'est des voleurs. Bah, ils ont volé une voiture. Donc en fait, ils peuvent se dire. Tu vois, ils ont volé une voiture. Oui. Ils ont volé dans une voiture. Non, ils ont volé le portefeuille dans attends, une voiture. Attends, ils ont volé une voiture. Quoi? Non, non, ils ont volé okay, ouais, ils ont l'intérieur volé... d'une voiture. Ouais. Ils ont carjacké. Il y en a un qui peut se dire, bah non, j'ai pas envie qu'on me retrouve. On va pas, que... on va pas. Récupérer les gains parce qu'on risque de se faire choper. Arrêtez, je sais pas. Bah, oui, sais rien, ouais. On n'est pas dans leur tête. Moi, je le, pour 500 000 balles, je le tente. Oui, ouais, bah moi aussi, mais on n'est pas. Les... enfin, on ne connaît pas la vie de ces non, deux mais personnes. Mais tu ne fais pas, même pas de la tôle pour avoir volé dans une voiture, quoi. J'en sais rien. Toujours est-il que la durée de validité d'un jeu à gratter est de 30 jours et qu'il a été acheté le 3 février. Donc là, on n'a pas encore la. Nous, on ne sait pas, mais. Franchement, moi, si les SDF nous écoutent, gardez. Empochez, gardez tout. ouais, gardez tout. Et barrez-vous. Ouais, non, malheureusement, non, parce que c'est bloqué par la force SDF. Ils savent que c'est avec de l'argent volé, donc pour le moment, ils leur donneraient pas, tu vois. Il n'y a que le mec volé qui peut décider si oui ou non. Ah oui. Et voilà. Lui, quand il dit on fait moitié-moitié, à mon avis, une il fois ment. Qu'il a empoché. Oui. Bah, c'est un tu menteur. Vois, tu commences à devenir dans le cerveau de ces SDF qui disent peut-être non, on va se faire avoir. Clairement, ça peut pas bien se passer. Ouais, ouais, ok. On va se faire rouler dans sont, la farine. Eux, ils sont deux, ils font déjà moite-moite. Ouais. Ouais. Donc ils ont que 250 000 ouais. Ouais, ça vaut pas le coup. 125 000 euros. Dans ce cas-là, ça vaut pas le coup. Ouais, ouais, ouais. C'est la flemme. Ils sont lâchés la flemme. Ils sont chier pour 125 000 euros. Je m'étais pas rendu compte, ouais. Est-ce que vous êtes joueur PMU tier C qu'un T plus. Pas non. Non. Pas jamais. Du tout. Ouais, pas du tout. Vous avez jamais eu même ça, ce petit truc des jeux à gratter. 6 mois en vacances avec des copains. Ouais. Ah ouais. Ça peut arriver. Oui, ouais. Genre l'été, tu vas boire t'achètes des coups un... au PMU, tu prends plein de tickets à gratter pour tout le monde, c'est fun, mais pas de manière sérieuse, quoi. Pas récurrente. Moi, je me rends compte que j'ai eu de la chance. Ma famille a failli me créer une addiction à ça, hein, parce qu'à Noël, c'est dangereux. À Noël, ils m'ont acheté les enveloppes avec plein de jeux à gratter. Moi aussi. Ah, t'en as eu aussi. Ouais, ouais, j'ai eu. Moi aussi, ouais. Dingue, ça, parce que c'est vraiment pour des enfants. Et tu gagnais un peu des trucs. Bah ouais, tu gagnais genre 10 balles. Mais quand t'es gamin, 10 balles, c'est genre la moitié d'un Street Shark, tu vois. Incroyable. Moi j'ai ça avec les jeux télé là, j'avoue. Je suis ah ouais. Quoi? Ils disent envoyez un. Toi t'aimes bien non, payer non, des non, trucs mais sur des ton trucs téléphone. Cons, mais quand t'es pauvre après tu deviens t'as de l'argent tu veux tout faire. Moi quand déjà j'étais petit je me disais tiens j'ai envie de sauver Aziz là, je veux pas qu'il sorte du loft. Ah mais avant tu fais plus ça maintenant. Si il pouvait pas le faire à l'époque. Ouais justement je fais maintenant. Il pouvait pas le faire à l'époque, il se venge aujourd'hui. Des fois ils disent qui a marqué en première mi-temps. Est-ce que c'est Kylian Mbappé ou est-ce que c'est Hugo Lloris? Tapez 1 pour Mbappé, oui, oui. Je suis en mode 1-1-1. Mais surtout que moi, il y a un truc où j'ai l'impression que les sommes sont de plus en plus délirantes. Ouais, ouais. La dernière fois, je tombais sur Koh-Lanta, il disait 100 000 euros par mois jusqu'à la fin de vos jours. Ouais, pourquoi ouais, pas ouais. Je fais, voilà, bah franchement, ouais, parce que j'ai envie de le tenter. Je pense que les gens votent un peu moins et du coup, peut-être qu'ils. Ouais. Et souvent aussi, les questions, les sommes augmentent et les questions, c'est qui a marqué en première mi-temps Mbappé ou Francis Huster ouais, c'est ouais, vraiment ouais. Ça les questions, quoi. Là, bah, je sais. Autour de mon poignet, j'ai quoi là? Regardez là. Du coup, c'est faux, tu gagnes jamais, non? Bah, c'est un peu ça. C'est un peu. Je suis en train de devenir comme lui. Ouais, c'est horrible. Tu es en train de rentrer dans mon cerveau. Tu vois ce que ça fait. Alors, j'ai jamais gagné, mais une fois. Tu connais quelqu'un sur Direct Star ou 17, ouais. Je sais plus. On pouvait envoyer le nom qui passe en bas. Ouais. Ça, j'ai harcelé. En plus, c'était pour faire une vanne. Ouais. J'étais trop content de la vanne. Ah oui, les petites dédicaces. Ah, d'avoir un message. Ça aussi, j'ai fait. Ça, j'étais avec fait. Aurélien. Je disais, regarde la télé, s'il te plaît. Regarde, attends, tu vas mais voir. C'était, regarde. Ouais, tu vois, le CM et tout, 50 faire minutes, là. Je pense. Regarde, s'il te plaît. La vie de la mère, regarde. Et à un moment, il y a eu le message. Donc, oh, tu vois, pas tu mal. Faisais un peu ça pour faire des voilà. Messages aux gens que tu kiffais. Genre. Bah ouais, sur MCM. Genre, ouais, Ludovic, je t'aime, truc ouais, comme ça, cœur. Moi, j'avoue, je l'ai fait il y a deux ans. Ah ouais? Ouais, ah mais, pour, mais pour faire une vanne pareil, ouais. Et je crois qu'ils ont censuré ma blague, ah ouais. Donc ça marchait plus la blague. J'ai coupé un truc. Après, je vous ai bien endormi parce que j'ai comparé gâcher tout mon argent en croyant que je vais gagner 100 000 euros et envoyer un message à quelqu'un en vous disant c'est possible. Alors ce n'est pas ouais, du tout le même ratio. Ça n'a rien à voir. L'Eurovision, on vote aussi ou pas? Je sais pas. Oui, tu votes. Ah, c'est Louane cette année. Ouais, c'est Louane, exactement. Qui représente la France. Eh ben. Exactement. Attends, on envoie le meilleur. On veut gagner là. On en a marre. Attends, du coup, on peut envoyer des gens connus en fait depuis le début. On envoie des gars. En fait, c'est à vous. Non, quelqu'un qui a vendu plein d'albums. Ah ouais, on pas aurait con, pu ouais. Envoyer Claude François. Mais attends, mais il y a eu Céline Dion qui a fait l'Eurovision. Mais bien sûr. Ouais, mais quand elle était pas connue, c'est ça. Elle était déjà un peu connue. Elle était un peu connue quand même. Je pense qu'elle était l'équivalent de Louane. C'est cheaté quoi. Heureusement que c'est pas. International Vision parce qu'ils auraient envoyé Taylor Swift direct. The Weeknd, ouais. Les Quinry, ils auraient pas blague. Ah, The Weeknd canadien, pardon. Mais ils auraient ouais, envoyé les Quinry, Michael Jackson à l'Eurovision contre un pauvre Bolivien. Les pauvres. Tout le monde leur dit ah, mais on peut. Oh merde. Oh non. Et est-ce que vous avez quand même un peu le démon du jeu, genre dans les jeux de société? Il y a non. Beaucoup de Monopoly dans On ira. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même un truc? Est-ce que t'as eu des jeux de société un petit peu endiablés? De Trivial Pursuit plutôt. Ah mais c'est fou parce que je trouve que c'est plus dur d'être endiablé. C'est dur d'être endiablé, bah ouais. C'est un peu ça, ça, c'est alors, un peu lobotomisant. Est-ce qu'on peut quoi, peu... préciser endiablé? Ouais. La définition de. Non mais parce que il y a moi je peux je par exemple moi je suis pas du tout dans la compétition. Ouais. Genre je m'en fous de perdre, je m'en fous de qui gagne, etc. Mais j'adore jouer. Par contre je suis sur les règles. T'es fou. Je suis endiablé. Quelqu'un qui va dire ouais bah, vas-y c'est pas grave machin, je dis bah non non c'est alors c'est pas endiablé, c'est joue... c'est psychorigide plutôt. Oui mais c'est mais pour c'est le pour les bienfaits que... du jeu. Mais parce que si on joue pas tous avec les mêmes règles, c'est l'anarchie. Bah non mais ouais ouais. Non mais moi, en vrai, très... t'as raison, il y a toujours des gens qui te pourront te dire mais si quand tu passes là tu récupères tout ce qui est au milieu, l'argent là, alors que ça c'est une règle inventée par exemple. On est d'accord. Le Monopoly il y a pas ça. Le parc gratuit, tu gagnes pas d'argent dans un parc gratuit, c'est n'importe quoi. Toi, je Anis. Ouais, moi, bah, je suis hyper compétiteur. Ah, okay. Je sais quand on dit ça, les gens, ils, on a l'air relou là. Ouais, ouais. T'es compétiteur plus mauvais perdant. Non, moi, je trouve pas moi. Bah, donc, tu trouves pas. Attention. Pas. Donc des gens te ah, disent. Ah, tu trouves que je suis mauvais perdant? Attends, au basket. Non. Moi, franchement, vois, j'ai pas vois, l'impression. Je suis à fond quand c'est fini. Ça y est, je serre la main aux gars. Ouais, surtout mais si genre en fait, ils ont mérité de gagner. En fait, ça y est, je passe à autre chose. Ouais, hein. Mais dans le jeu, je suis relou. C'est dans le jeu, je suis endiablé dans le jeu. Oui, mais endiablé, ouais, parce pour que moi, le problème du basket, enfin, le problème, c'est que c'est plus un sport co. C'est-à-dire, faire un trivial poursuite ou le Monopoly, bon, bah, tu joues pour toi. Ouais, donc, bah, en fait, ça oui. dépend. Enfin, le trivial poursuite. Non, trivial, tu peux être en équipe, ouais. Ah oui, bon, bah alors, mauvais exemple. Mais ouais. Les jeux où t'es en solo, bon, c'est une chose. Ouais. Là, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté le sport, outre le fait que mon corps ne me le permet pas. Je suis physiquement incapable. Alors que physiquement, j'en suis capable. C'est effectivement parfois de jouer avec des gens compétiteurs et t'as l'impression de travailler pour eux. Ah non, moi, ça jamais. Ok, bah, ça, c'est bien. Justement, ce qu'on aime, c'est intégrer. Moi, ce que j'aime, c'est si c'est collectif, c'est qu'on soit ensemble. Mais je te dis ça parce que j'ai ça dans les jeux solo aussi. Ouais. Je suis très compétiteur, je suis à fond, mais une fois que c'est fini, ça y est. Ouais, mais tu vois, moi je suis comme toi, mais moi je considère pas que c'est compétiteur parce que pour moi c'est pour moi compétiteur, c'est genre quand tu perds tes enfin tu c'est genre tu veux gagner. En fait, je fais la distinction entre vouloir absolument gagner et vouloir jouer du mieux possible, tu vois. Non, mais moi quand et on moi, vient de perdre pendant 3 minutes, j'ai le seum de fou. Okay, j'ai oublié d'accord. de dire ça. Ah, quand même. En 3 minutes. Okay. Non, j'ai dit mauvais perdant, t'as dit non. Et là, tu es en train mais... de le définir. Non, mais pour moi, mauvais perdant, c'est quelqu'un qui va remettre la faute sur les gagnants et tout. Je croyais que c'était ça. Ah, ça, pour moi, c'est mauvais joueur. Ça, c'est mauvais joueur. Okay. Mauvais perdant, ça veut dire que t'as le seum. Bon, quoi, bah, je suis mauvais perdant. Chier, j'avais juste pas la définition. Casse les couilles. Moi, j'ai arrêté un peu les jeux vidéo pour ça. Ah, ouais, ça te mettait vénère. Ouais. Je me souviens même, je m'excuse publiquement auprès de lui, avec mon petit frère, quand on était jeune, attention, quand il me battait à Street Fighter ou à Mortal Kombat, on pouvait un peu se bagarrer sur le canapé, saoulé quoi. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Genre, moi j'ai déjà acheté une manette, par exemple. Ok, attends, moi j'ai acheté une manette contre un mur. Okay. Non, par terre, mais tu sais, genre, mais putain. Parce que je meurs trop de fois, tu vois. Alors moi je m'interdis d'avoir une PlayStation parce que je pense que je peux être addict. Ah oui, très non, mais fort. C'est autre chose. Ouais, très, c'est très ça. Fort. Et bah, t'as raison. Voilà. Du coup, c'est ce que j'ai pas fait, j'ai raté. Ouais. Je pense que je peux arrêter de travailler, quoi. Je peux vraiment passer des nuits à jouer et arrêter de tout faire. Moi, je sais que dès qu'on a la date de sortie de GTA, le prochain, il faut pas trop que je bosse le mois où ça sort. Ah ouais. Parce que c'est sûr que je vais me coucher à pas d'heure. Que je... Alors, c'est une chance, j'ai conscience de mon privilège d'artiste. Ça va pas durer longtemps. Enfin, te connaissant, tu vas y jouer à fond et tu vas le finir quoi en deux secondes. Pas vraiment. Même pas. Ah, non, il fera jamais l'émission. Il va juste rouler sur des gens. Mais je le connais. Il joue au jeu. Il veut juste tuer des gens, faire n'importe quoi. Tu veux voir un peu à quoi ça ressemble. Ça va t'amuser une semaine. C'est une énorme promesse. Moi, je me fais très avoir par les promesses des jeux vidéo. Et effectivement, je ne joue pas longtemps. Alors qu'Adrien. Ah bah lui on peut pas l'avoir. Ah, lui il trouve les petits trucs. Hein. Non mais moi je testé, approuvé. J'aime trop jouer quoi. Non mais il trouve des jeux de fou Adrien. Ah ouais. Merci hein. Encore. Non mais je joue à Boomerang Fu tout ça. Vivo tout ça. Il est trop content. Non mais il trouve des jeux. Il est devenu Jean Reno dans le Grand Bleu. Le petit français. Là hier encore je joue à Boomerang Fu avec des potes. Bah trop bien mais c'est le meilleur jeu. C'est un jeu vidéo. Ouais mais c'est des jeux. Il y a plus trop de jeux en local ou local coop. Ouais où t'es avec les gens. Normalement c'est en ligne tu vois. Okay. Et lui il connaît plein de jeux où tu fais la soirée avec les gens et on peut jouer tous ensemble avoir plus sur la Switch tu peux avoir 8 manettes et tout très facilement. Trop bien. Donc c'est bien. Alors moi je suis un gars de la Play de base donc il m'a ouvert à ce monde c'est vraiment pas mal. Bah, ça me plaît. Et donc oui. Tu vois je raccorde un tout petit peu quand même à la promo. T'as fait Liars Club qui est un jeu. Oui c'est vrai. Alors c'est en gros c'est vous raconter des histoires et faut deviner si elles sont vraies ou si elles sont fausses. C'est le truc de McFly Carito. Clairement. Ce qui est ma vie. Faut pas mettre Adrien Méniel dans le jeu en fait. C'est ouf je trouve. Mais, parce que tu fais les deux. Alors, c'est quoi le concept? Est-ce juste, faut... je peux préciser quand même que j'ai genre co-créé ce jeu, quoi. Bah oui, oui, c'est vrai. Oui. Ah, bah trop bien. Non, bravo. Pour de vrai. Ouais, oui, t'as participé au truc, bien sûr. Ouais, bien sûr. J'ai participé à l'élaboration du jeu. La première version du. C'était le petit twist que je voulais. Ah, pardon. T'as tout gâché. Il debunk, Adri debunk. Tu peux pas t'empêcher de te mettre en avant par toi-même. Ouais, c'est un gros problème. Mais oui, mais c'est un peu le truc de la cacadeau, mais ils sont dedans. Donc il y a un peu un accord tacite aussi de dire, mais les règles sont pas exactement les mêmes, de ce que j'ai compris quand même. Ouais, ouais. En gros, là, il y a 5 binômes qui se connaissent plutôt bien. Donc, comme ça, ils vont pouvoir raconter des choses de leur passé, etc. Et en fait, on raconte chacun 3 anecdotes. Et il y en a une seule qui est vraie dans chaque binôme. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver la vraie. Attends, et donc, je l'ai bien raconté. Trop bien. Ouais, t'as été fort en plus. T'as fait ta journée de promo hier. Hein, ça t'a rodé. Ouais, hier, je l'ai mal raconté. Ouais. Mais c'est vraiment comme le sport. Ouais, c'est ça aussi, Enya. C'est que moi, ça y est, la fin de promo de Leroy, c'était. J'ai dit les mêmes phrases. Ouais, ça ouais. Y est, c'était. Ouais, c'est en mode robot, quoi. Et t'essaies de les jouer en mode première fois que tu le dis. C'est de les changer un peu, mais c'est moins bien. Donc, tu retombes sur ton truc. Donc, toi, tu joues avec Freddy, évidemment. C'est ça. J'étais avec le frérot Freddy. Freddy, ça fait combien de temps que vous connaissez? Parce que c'était d'avant Paul Ben. Ça fait longtemps. Ça y est, hein. Je crois que ça fait 11 ans. 11 ans, ouais. 2014, je crois. Trop belle histoire. Ouais. Juste donc... avant la robe bleue. Ouais, ouais. J'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner dans cette épreuve. Ouais, donc du coup, il y avait Cadet Olivier, ils se connaissent depuis 35 ans. Ouais, ouais. Bah, même McFly et Carlito, ils se connaissent. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tout. Donc on n'était pas ceux qui se connaissent depuis le plus longtemps. Ouais. Mais franchement, c'est cool. Hein. Enfin, ouais. Moi, je le vois un peu, je suis quelqu'un d'assez simple. Je me trouve un peu l'intrus dans l'émission parce que je me dis, qu'est-ce que je fous là? Je suis vraiment pas du tout pas connu pour être dans ça. À mes yeux, on s'en fout. Attendez, ouais. C'est ça qui est marrant, ouais. C'est que dès que je suis arrivé, Cadmerad a dit c'est qui lui. Et c'est devenu mon gars sûr. Tout le long, il a fait des vases. En fait, j'étais pas connu. J'ai dit ça, c'est mon gars, ça. Vous verrez dans le programme. Mais ce qui était cool du coup pour nous, c'était de se retrouver avec ces gens. Non, qu'est-ce que j'allais dire? Je voulais juste dire que je t'ai pas connu en fait. Je l'ai dit ou pas? Ouais. Ça donne aussi une force. C'est que non, du coup, Cad, on l'a déjà vu jouer. Donc on peut peut-être déjà un peu plus ça, voir quand est-ce qu'il est. Tu vois. Aussi, on connaît un peu plus sa vie. Ouais, il a fait pas mal d'interviews, de trucs. Non mais c'était. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire que moi je l'ai vraiment vu en mode. Tu sais, il y a des gens, ils payent des fortunes pour des escape games ou des trucs comme ça, des parcs d'attractions. Et là, tu fais une journée. Dans un décor de fou avec tout le monde qui se prend la tête pour pas qu'on triche et tout. C'était un délire. Il fallait nous isoler pour pas qu'on entende les histoires des autres et tout. Bien, trop bien. Et genre avoir un tel niveau d'ambition pour un petit jeu de société, d'une certaine manière, j'ai trouvé ça bien. Fou quoi. C'est comme si tu faisais un Monopoly avec des caméras, des trucs. Et de l'argent. Des équipes qui sont en train de vous dire ouais, faites attention à ça. Truc. Bah, c'est trop cool. Et ça, c'était agréable. Ouais. Moi, je l'ai vraiment pris un peu comme un gosse qui se retrouve dans un parc d'attractions quoi. Bah, ça sort cette semaine, le 14 mars. Et il y a aussi plein de gens qu'on aime bien. Il y a Hakim Jemili aussi qui est incroyable avec Ahmed Silla, Mel Habedia qu'on adore avec Oulaya Amamra, pardon. McFly Carlito, Freddy Gladieux. Freddy Gladieux, bon partenaire, je pense aussi parce que. Impossible de déceler le vrai du faux chez ce gars. Freddy, c'est pas être concis. Vous verrez, mais c'est... On a fait un podcast en live avec lui. Où il s'est lancé... Après, c'était hilarant parce que c'était 25 minutes. Là, il s'est lancé dans une anecdote en live sur une scène à Lyon. Ouais. Et vraiment, ça ne s'est jamais arrêté. Et vraiment, j'étais genre, mais arrête cette anecdote. Je suis fan absolu de Freddy. Mais il a trop du mal à raconter les trucs et tout. Donc, c'est devenu, vous verrez... Rappelons qu'il est auteur quand même. Mais c'est un peu devenu notre technique, vous verrez, on a saoulé les gens. C'est en mode, on s'en fout du jeu, on veut juste que vous la fermiez maintenant. Juste, j'en place une pour Johan Grombe avec qui j'ai bossé sur le jeu, en tout cas la première version du jeu. Ouais, voilà. Qui a évolué. Voilà. Qui nous écoute. Ah, oh, on l'embrasse. Salut. Dédicace. Chers amis, ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Alors on va passer aux recommandations culturelles. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez aimées récemment? Ça peut être film, télé, série télé, bouquin, théâtre, une expo, ça peut être même un jeu vidéo, peu importe en fait. Et c'est pas forcément un truc récent, c'est plutôt un truc que vous avez aimé récemment. Ça peut être si vous avez vu un film des années 80 hier, ça marche aussi. J'ai envie de commencer par Adrien Méniel. Et bah, ça va être un jeu vidéo justement. Pas du tout un truc en coop et tout. Okay. C'est vraiment un jeu qui se joue tout seul qui s'appelle Keep Driving. Alors je vais essayer de pas m'embourber dans des explications machin, mais en gros c'est comme un RPG, mais le contexte c'est un gars ou une meuf d'ailleurs, parce qu'on peut choisir au début, début année 2000, qui fait un road trip aux États-Unis, et en gros tu dois gérer, tu peux. Et tous les événements, tous les trucs qui se passent, même les trajets et tout, c'est un peu généré aléatoirement. Et donc du coup tu peux tu fais ton parcours, tu dis ah je vais aller là parce que là il y a une station service et après machin nanana. Et sur le chemin il y a des événements aussi aléatoires que tu dois éliminer avec un système de tu débloques des skills qui te permettent de d'éviter certains événements. Enfin il y a tout un système où en gros il y a une suite de symboles et toi t'as des skills qui permettent de supprimer tel ou tel symbole, donc en faisant des combinaisons avec les skills que t'as choisi tu peux, enfin bon bref c'est du deck building pour ceux qui connaissent le terme et tu peux tomber sur des autostoppeurs ou des autostoppeuses, tu peux décider de les prendre ou pas dans ta voiture qui vont t'ajouter des skills mais qui vont aussi t'ajouter des inconvénients. Ah, donc il y a tout un truc de gestion comme ça et le contexte c'est un road trip aux États-Unis et vraiment. Et tu roules en temps réel, pardon ? C'est un truc non, comme. Non, c'est pas en temps réel. Mais c'est un truc un peu comme Truck Simulator ou. Non, pas du tout. En fait, okay. tu ne conduis jamais. Tu ne conduis jamais. Ouais. D'ailleurs, tu dis, je vais là. Après, c'est des décors. Le style graphique, c'est du pixel art et tout. Mais d'accord. C'est très, très travaillé. C'est hyper beau. Okay. Et tu vois ta voiture de côté et tu vois les paysages qui défilent. D'accord. Il y a des trucs. Des fois, tu as des moments d'introspection où tu as une pensée qui apparaît et tu choisis. Ce que tu penses et ça va te mettre dans tel état ou un autre, etc. Et il y a aussi un truc qui est assez cool, c'est que au fil du jeu tu trouves des CD. Okay. Parce que bah début 2000, donc tu trouves des CD et en fait la musique, toi tu te fais tes playlists avec tous les CD que t'as et en fait la musique a une importance dans le jeu parce que si effectivement t'écoutes de la musique ça va te donner des avantages parfois pour régler certains problèmes parce que donc en gros il y a vraiment une présence de la musique qui est hyper importante dans le jeu. Et c'est des morceaux connus ou... Non, c'est pas des morceaux connus, donc, et ça permet en plus de découvrir des morceaux, tu vois, et donc tu te fais tes playlists, et ça a une importance dans le jeu. Et ils ont vraiment réussi ce mood de tu fais un road trip, quoi, tu dois gérer des trucs, et tu dis, ah, j'ai juste un peu de thunes pour mettre un peu d'essence pour avancer et tout. Et c'est trop bien, j'aurais kiffé, enfin, ça a l'air super, mais j'aurais kiffé le côté un peu quand même. Faussement conduire une bagnole et bah, tout. Bah, joue à. Mais je crois que tu vas rouler sur des gens. Non, justement, moi j'adore les trucs de simulation où faut tracer tranquille. Joue à Euro Truck Simulator. Hein, oui, mais c'est moins. Là, ce que tu me dis, j'aime bien le fait d'avoir des gens, de choisir la vie pour orienter des choses. Et t'aurais aimé. C'est le fait vraiment de conduire. Ouais, d'être dans un truc un peu road trip et tu sais, genre peut-être t'échanges avec. Tu sais, genre un truc genre Detroit Become Human, mais dans une bagnole où tu dois juste faire un road trip quoi. Parce qu'il y a un jeu comme ça qui. Putain, j'ai oublié le nom. Road 51 ou un truc comme ça. Peut-être, c'est un jeu un peu où c'est plus un jeu narratif, mais pareil, c'est un road trip. Non, t'es autostoppeur et du. Ah, du ok. Coup, tu... Bon, bref. Alors, c'est hors de question. Moi, je vois que. Je déteste autostoppeur. Je déteste ça. Enya. Bah, moi, je vais parler de films alors, mais bon, ouais. Je vais être une. C'est nul, ils ont vu ces gens, Vindieu, j'ai vu Vindieu il y a pas longtemps. Mais Vindieu, c'est exceptionnel. Je trouvais ça génial. Ne crois pas. Non, mais tout le monde l'a vu, c'est ça que je veux dire. C'est ça, mais y est, je suis en retard. Dans nos petits cercles. Je suis en retard. Mais je suis pas certain. Après, c'est vrai que c'est un carton, hein. Je crois que c'est bientôt un million d'entrées. Ouais, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Est-ce que tu peux dire que ça raconte? Tout à fait, ça raconte, sans spoiler, alors attends que je m'y prenne bien, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui va pour régler des problèmes personnels, concourir à un concours du meilleur comté. Très bien joué, franchement, bien joué, t'as rien spoilé de Totten, pour ne pas le nommer. Totten, ouais. Et c'est très excellent touchant, c'est drôle parfois, très émouvant aussi, très bien joué. C'est beau aussi. C'est un premier film, c'est une réalisatrice. Trop fort. Donc voilà, moi je dis let's go quoi, Vindieu. Vindieu, c'est super. Et si vous voulez voir à quoi ressemble mon enfance un peu aussi, c'est dans Vindieu. N'hésitez pas, c'est vraiment c'est vrai bien. Ah bah non, parce que nous on n'était pas des campagnards, mais on traînait, mon père il est jardinier, donc en fait on traînait avec les agriculteurs, les paysans, les choses comme ça. Et donc oui, j'en ai croisé plein des comme ça. Et c'est vrai que c'est. Mais il y a beaucoup d'acteurs dits non professionnels, tout à je fait. Crois. Bah, l'acteur principal du film d'ailleurs qui a même refusé d'être nommé au César parce qu'il voulait rester dans sa vie d'agriculteur en fait. C'est ça. Ouais, c'est donc, ça. Pareil, moi j'ai fait avec Noulet Leroy, j'ai dit non, me nommez pas. Ouais, bah c'est pour ça. Ouais. Ah, mais c'est sinon gage. Ouais, d'accord. Est-ce que tu crois que c'est Vindieu qui l'aurait eu? Parce qu'il y a eu une zéro nomination, c'était pour ça. C'est moi qui ai demandé. Est-ce que tu aurais aimé être nommé au César? Oui. Alors, je vais te dire, répondre très sincèrement. Je m'en fous vraiment de pas être nommé. Mais évidemment, enfin, ça fait toujours plaisir bien de sûr. Dire, oh, ok, bien c'est cool. Sûr, ouais. Mais le fait de pas être nommé, je me suis pas dit. Ah ouais, d'accord. Ouais, les bâtards. Franchement, j'en ai rien à foutre. Le film, il a marché. Oui. C'est évidemment mais pas là, du c'est tout comme Anis tout à l'heure qui dit qu'il est pas mauvais perdant. Si on gratte un peu. Non, y non, avait je un te jure que non. Mais parce que c'est pas du tout. Moi aussi, si en plus il aurait pas marché, c'est une chose. Mais je préfère. Oui, par contre, le vrai truc, je préfère avoir eu un prix à l'Alpe d'Huez. Parce que ça a mis de la lumière sur le film au bon avant endroit. La sortie. Et au bon endroit. À dire, bah c'est une comédie, venez le voir et tout. Qu'avoir un César. Non, pour les gamins, ça m'aurait fait plaisir. Il y a un truc de meilleur espoir. Mais en vrai, cette année, les films sont incroyables, quoi. Il n'y a pas un monde où 20 dieux est moins bien que mon film, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un très, très, très bon film. Donc, non, pas du tout. Au contraire, je trouve qu'en plus, cette année, moi, je regardais César, j'étais genre, franchement, c'est que des putains de films qu'on est pris aux bons endroits, quoi. Ouais, c'est vrai. Franchement, parce que pareil, l'actrice qui joue dans 20 dieux, qui a eu le meilleur espoir, meilleur espoir féminin, elle est exceptionnelle. Elle est incroyable. Film. Elle est trop, trop forte. Elle est super. Donc, ouais, 20 dieux, c'est super film de Louise Courvoisier. Voilà, 20 dieux. Tel sera ma reco. Voilà, je pense qu'ils vont le rediffuser. Vu qu'il a eu des Césars, ils vont peut-être le rediffuser un peu plus là. Il va rester plus. Mais il était encore programmé, je pense qu'il va être programmé encore quelques semaines. Je pense, ouais. N'hésitez pas à aller voir. Et puis de toute façon, je pense que la VOD va être dans pas si longtemps. Parce qu'il est quand même sorti il y a quelques temps. Ouais. Voilà, je te rejoins sur 20 dieux. Anis. Yes, pour faire un peu tous les arts différents. Oh la musique. La peinture. Non, je voulais parler de stand-up un peu, de scène et tout. C'est vrai qu'on l'a pas dit, t'es à fond là-dedans en ce moment aussi. Ouais, c'est vrai. Je joue en ce moment et j'ai la chance des fois de faire la première partie de Panayotis. Déjà, je conseille de fou d'aller voir. Ouais. Et là, il a poussé son délire. Bon, après, c'est mon pote, j'ai l'impression que je suis pas objectif. Je vais dire autre chose. Écoute, c'est Marocco, donc tu peux. Je vais dire autre chose, mais du coup, j'allais parler d'Adèle Fugazi qui est un délire très absurde. Donc je sais que ça va un peu tout rien dire, le terme il est un peu galvaudé, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a une proposition très originale et il a une forme de spectacle, une manière d'être qui fait que c'est sûr que vous allez passer un moment un peu unique. Et en ce moment il joue à la nouvelle scène, je crois que c'est jeudi, vendredi, samedi, donc vous pouvez foncer. Adèle Fugazi, un peu foufou. Pour donner un exemple, quand t'arrives dans la salle, les musiques d'ambiance, c'est lui qui les a faites, tu vois. Et c'est des trucs un peu fous, genre j'aime les pâtes, des trucs comme ça, tu vois. Ça te met déjà dans un mood, dans l'ambiance, tu te dis, ouais. Mais il est starbé, lui. Et du coup, après, quand il arrive sur scène, en effet, il est starbé, voilà. C'est ouais, ce que l'avez... Télérama a dit, je crois. Vous l'avez peut-être vu dans Comedy Class. Prime Video. Ah, c'est sur Prime aussi. Comme par hasard. Fous-toi de notre gueule. C'est un truc à dire. Il est hyper fort en promo, c'est incroyable. Il est très très bon. Oui, il y a des figures très marrantes. Bah, je vais du coup moi faire Marocco. Panayotis Pasco, effectivement, j'ai eu la chance de voir son spectacle la semaine dernière et ouais, c'est vraiment très très très bien. Alors moi j'ai pas eu la chance d'avoir Anis en première partie, mais c'était très bon, c'était Louis Dubourg qui est très marrant. Très fort. Et non, c'était vraiment, en fait je sais pas comment dire, en fait on dit plus assez quand juste les spectacles sont très très très drôles. T'en as besoin de dire ouais, c'est aussi ça et aussi ça. Oui. Franchement, Panayotis, c'est plein de choses, mais c'est d'abord hilarant. Vraiment, merci. Ri non-stop du Parce début que... jusqu'à la fin. Parce qu'en plus il a une image un peu classe, comme un il peu a fait Télérama, son livre et tout, ouais, voilà. Voilà. Alors que vraiment, il est gaulerie. C'est loin d'être que ça, quoi. Il est concon. Ouais. Ouais, mais ça fait un foufou et un concon. Ouais. Un foufou. C'est ce que je recommande. Et non, c'est vraiment hilarant. Il parle de plein de choses très personnelles et de choses graves aussi. Hein. D'ailleurs, il aborde la dépression, le suicide, des choses comme ça. Mais c'est vraiment très très très drôle et moi j'y repense pas mal à ce spectacle en disant trop bien, plein de trucs super. Donc Panayotis Pasco, alors c'est complet de partout hein, évidemment, mais je crois mais il joue longtemps là, c'est ça, là il fait du Bobino à la fin de l'année, il va faire une tournée, donc et si vous allez à Aulnay sous Bois, parce que moi je fais les premières parties claquées, il m'a dit non, il me l'a dit clairement hein. À Aulnay sous Bois le 19 mars, je serai en première partie. Pas c'est mal, la première fois que je fais une promo pour une première partie. C'est bien, c'est cool. Alors ouais. Promo en première c'est bizarre. Je vais faire la tournée et tu joues un petit peu sur Paris là, on peut espérer de voir où. En vrai, honnêtement, mais je crois que la dernière fois que je suis venu, j'ai déjà dit ça. Donc le gars n'avance pas trop vite. Non, moi je suis plus en train de faire ça pour le kiff, pour essayer de comprendre la matière. Et puis, ah ouais. Et moi, ça me nourrit pas mal la fiction aussi, si je suis honnête. Je dis pas que je vais faire une carrière d'humoriste, mais des fois, tu crées des persos sur scène qui deviennent un perso. Et l'inverse aussi, des fois, il y a des vannes que j'écris en fiction où je peux un peu les tester sur scène et il y a un pont magique qui se fait entre les deux que je suis trop en bien. Train de kiffer. C'est trop plus, bien. C'est plus ça en fait mon objectif. Moi, c'est ce que j'adore dans nos métiers, c'est rien n'est jamais gratuit. En vrai, il y a toujours un truc qui va servir quelque part. Mais là, le pont, je le trouve plus évident. Enfin, je me rends compte que souvent, je réutilise des persos de fiction ou des vannes de trucs dans de la fiction, dans du dialogue et tout. Donc, c'est tout bénef. Là, tu développes des trucs en fiction aussi en ce moment. Ouais, à fond. Mais comme vous, ça met du temps. Bien sûr. Bravo. Non, mais en vrai, enfin, je te l'ai déjà dit, Flo, mais genre, je trouve que c'est hyper inspirant. On est une génération de gens d'internet où en fait, c'est pas si évident qu'on fasse partie de ces milieux-là et tout. Du coup, je trouve ça trop bien de voir que ça bouge un peu. Et même aussi avec les visiteurs du futur, quand j'étais à l'avant-première, il y avait un truc magique. On se disait, non, mais ouais, c'est vrai. Ouais. On peut le faire nous aussi là, laissez-nous un peu, tu vois. Ou à force, et on a peut-être un peu perdu espoir. Donc voilà, je voulais faire un message. Il y a du piano là ou pas? Je l'entends pas. Non, mais Anis, tu fais partie de ceux qui m'ont envoyé un des messages les plus touchants après la projection de mon film. Ça m'a trop touché, le message que tu m'as envoyé. Et je vais le lire, J'espère que tu auras un César. Je suis en train de les appeler pour que tu aies un César. T'as parlé de ma scène ou Je crois que oui. Enya? Donc là, il y a ton film qui sort. Tu sors quand même. Toi, t'as enchaîné de fou aussi, hein, parce qu'il y a quand même Fleur Bleue, deux saisons qui sont un peu enchaînées coup sur coup. Ton film, ça développe d'autres trucs déjà derrière tu t'autorises de peut-être un peu de calme après. Alors ça, c'est sûr, je m'autorise du calme, mais surtout du calme pour pouvoir réfléchir à la suite, parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Mais Fleur Bleue, on aimerait bien continuer, parce qu'on n'a pas envie de lâcher ce personnage avec Martin. On aime trop, on s'amuse trop en faisant Fleur Bleue, donc on verra quelle forme ça prendra et qu'est-ce qu'on fera. Et puis un deuxième film, mais ça, voilà, il faut l'écrire, il faut trouver la bonne idée. Mais t'as déjà un peu des trucs qui te... J'ai des petits trucs en tête, un peu en train de mûrir. Mais voilà, mais j'ai envie... En fait, ça fait peur d'écrire un deuxième film. Terrifiant. Quand t'as mis autant de temps à en faire un premier, tu te dis... Je sais pas, qu'est-ce que je vais faire maintenant, tu vois. Écris le troisième et tu... Ouais, voilà. Non, mais je te jure, il y a un truc bizarre avec le deuxième où tu te dis, en fait, je sais pas, ça, c'est un peu bizarre, ça fait un peu peur. Tu sais pas trop comment l'aborder, je trouve. Et jouer quand même, ça continue d'être plaire et tout. Je raterai plus mes castings, quoi. Ce qui est horrible, c'est qu'on me propose des castings et je me dis... C'est ça. C'est moins bien qu'on filme. Non, c'est même pas en comparaison. J'ai envie de m'écrire. Tu vois, Fleur Bleue, je m'éclate tellement. Je me dis, viens, on écrit des trucs. Et puis, à la limite, on s'écrit des rôles qui nous font marrer. Donc, j'ai autant envie de jouer, mais je pense que je suis plus. J'ai plus envie de jouer des trucs qui me concernent vraiment et qui me parlent à moi. Et donc, je suis moins inspirée par les castings que je reçois, c'est sûr. Parce que je reçois pas que des trucs bien. Bien sûr. Mais donc, oui, non, je préfère écrire et réaliser pour l'instant. Génial. Bon, on espère très vite voir la suite. En tout cas, on ira, c'est mercredi en salle. Vous pouvez voir ça partout. C'est émouvant. C'est vrai que c'est important d'insister là-dessus. C'est un beau film. C'est pas badant parce qu'effectivement, le sujet de la fin de vie, c'est marrant. On a beaucoup parlé récemment dans un podcast avec Urbain et tout. Mais c'est un sujet. Je trouve le pitch trop fort en tout cas. Merci, c'est vraiment bien. Et le film est au niveau du pitch. Merci. C'est vraiment bien. Des super acteurs et tout. N'hésitez pas à aller voir. C'est en salle à partir de mercredi. Franchement, il n'y a rien en face. Allez voir ça. Posez pas de questions. Anis, donc, Liars Club sur Amazon. Yes. Du stand-up quand même, ça et là. Peut-être dans des petits plateaux. Des fois, t'es au random, j'ai vu un petit peu. Parce que c'est ceux que je connais le plus. Hein, tu dois faire d'autres choses. En vrai, j'y suis à peu près une fois par mois. Donc c'est ça. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. T'écris aussi dans ton coin, donc c'est trop bien. Et moins de 10K. Voilà, c'est ça. Ça continue, tu vas jusqu'au bout de la saison, là, j'imagine, au moins. Tous les vendredis à 19h, on est en direct aussi sur Twitch pour ceux qui n'aiment pas la radio. Ah, trop bien. Tu vois, je savais même pas que vous étiez sur Twitch. Ouais, mais ça fait pas longtemps. Ouais. Okay. C'est à l'arrache pour l'instant. Je lance et basta, pas de mots d'eau. Donc vous pouvez venir dire des gros mots et personne ne les effacera. Donc, ok, moins de 10K. Ouais. Et avec quelques lives encore de prévu ou non, là, pas trop? De live? Bah, tu sais, t'avais fait. Studio, en public et tout. Non, c'est, un peu, en fait, tu sais, nous, on est un peu, je dis la vérité, genre, il y a France Inter avec Radio France, il y a tout ça. Donc, des fois, ils disent, on a un créneau là, demain là. C'est un peu ça. Donc, je pense que dans l'année, il y a moyen, avant juin, qu'on puisse squatter l'endroit et faire un truc en public. Mais je suis un ouf si j'ai un truc de dingue. mais je crois pas que je peux rentrer trop dans les détails. Ah, ok. Mais en fin mai. Il se passe un truc. Ouais, on va faire un gros live. Ok. Et tous les rappeurs seraient. En fait, j'en avais marre. Tous les jours, je reçois des dizaines de DM de rappeurs. Ouais. Là, j'ai trouvé une technique. Voilà, comme ça, cogiter. Ok. J'ai trouvé une technique. Tout le monde pourra venir. Oh là là, pas mal. Ils seront tous là. je vous jure. J'ai trouvé un concept. C'est là. Un battle royal, malheureusement. je vous dis, j'en ai marre. Là, vous serez tous là. Si vous n'êtes pas là, c'est votre faute maintenant. Bon, bah, trop bien, en tout cas. Adrien, pareil. C'est écrit donc Liars Club, à laquelle tu as un peu bossé sur le podcast. Oui, j'ai écrit il y a longtemps, mais non, et puis ça a écrit, oui. Plus que jamais, là, en ce moment. Plus que jamais. Ouais. Et Angers Compagnie qui sort dans pas si longtemps. C'est vrai, ça s'approche. On aura l'occasion d'en parler. Film de Vladimir Rodionov, parce que tu parlais de gens d'internet qui font des films. Là, pour le coup, Angers Compagnie, t'as les trois quarts du cast, c'est quand même que des gens de Côte de Moustache. Et Vladimir, qui était le co-créateur de Côte de Moustache, premier directeur artistique, et à qui on doit beaucoup. Donc, on l'embrasse. Bon, merci tout le monde. Merci à vous. Trop bien. Bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.